Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Analyse F1, mais pas n'importe quel podcast puisqu'aujourd'hui la chronique de Mister Yo-Yo est de retour, Rétro F1 est donc de retour. Bonjour Mister Yo-Yo. Bonjour Julien, bonjour à tous. Est-ce que tu vas bien? Bah écoute, ça va, nickel nickel. Eh bien c'est parfait, donc dans ta première chronique tu nous avais parlé de Jean-Pierre Beltoise peu après son décès d'ailleurs il me semble. Oui, c'est vrai. Et donc, je vous invite, si vous n'avez pas écouté ce podcast, à vous en référer sur analysef1.podcloud.fr où vous pourrez retrouver tous les podcasts et en particulier la première chronique de Mister Yo-Yo. Et donc là, c'est la deuxième. Et oui, excuse-moi. Ce que j'allais dire, c'est n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur Nick et tout ça. Hein, c'est pour voir ce qui peut être amélioré et autres. Hein, je suis ouvert à évidemment toutes les suggestions, bien sûr. Tout à fait. Et donc, quel est ton Twitter, d'ailleurs? C'est Mister Yo-Yo. Voilà. Mister Yo-Yo. Vous le trouverez facilement, je pense. Si vous vous êtes abonné à Analyse F1, vous verrez que je suis abonné à Mister Yo-Yo. Donc, vous verrez facilement. Vous le retrouverez facilement. Et sinon, vous pouvez aussi donner votre avis sur le Twitter d'Analyse F1. C'est @F1Analyse. Et sur la page Facebook, vous cherchez Analyse F1, vous trouverez très rapidement, je pense, la page. Voilà. Et donc, aujourd'hui, de quel pilote vas-tu nous parler, Mister Yo-Yo? Eh bien, on va dire que l'actualité oblige. Malheureusement, récemment, Julien en a parlé il y a quelques jours, malheureusement, le décès de Jules Bianchi. Bien, le sujet m'est venu assez naturellement de rendre hommage aussi aux autres pilotes français qui malheureusement ont connu à peu près le même sort en donnant leur passion à la F1. Et dans un premier temps, je vais commencer par le plus ancien de tous, Jean Béra. Mais également, j'ai prévu de parler de... comment il s'appelle Jo Schlesser, François Sever et de Patrick Depailler. D'accord. Quatre donc... pilotes qui ont donc eu des carrières en F1 et aussi dans d'autres sports automobiles et qui sont morts dans l'exercice de leur passion. D'accord, donc ils ont tous ça en point commun, malheureusement, j'ai envie de dire. Et donc on va commencer par le plus ancien, Jean Béra. Jean Béra, d'accord. C'est peut-être c'est... le moins connu. Ah oui, en effet, ça me dit rien. Alors Jean Béra... C'est donc un pilote qui était dans les années 50. C'est ça que c'est. On parlera pas beaucoup, à mon avis. Donc, eu 56 Grands Prix hein, dans sa carrière, ce n'est pas rien. Il a quand même piloté pour les pilotes de pointe à l'époque, Gordini, Maserati, BRM et Ferrari. Ah oui, quand même. Ce qui était plutôt pas mal. C'était un pilote réputé assez rapide et avec un caractère bien trempé, hein, j'ai envie de dire. On y reviendra. Il a commencé sa carrière un peu comme d'autres avant lui, et même d'autres après lui, sur deux roues, avant le début de la Seconde Guerre mondiale, où il est devenu à plusieurs reprises champion de France de moto. D'accord. Alors, c'est un peu comme, Jean-Pierre Beltoise, tu en avais parlé, justement. Qu'il avait commencé en moto aussi. Oui, et puis aussi John Surtees, je crois, pilote était champion du monde en 65 et qui a eu aussi des titres de champion du monde en moto. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Et donc c'est vrai que cette filière qui est aujourd'hui très peu utilisée au final, parce que le dernier exemple dont je me souviens, c'est Stéphane Peter Hansel, qui là c'est pour le Dakar, mais il a commencé en moto avant de se lancer en voiture. Enfin, c'est plus trop le cas, mais c'est vrai que cette filière existe. Il y avait plusieurs filières comme ça, ceux qui passaient des F3, F2, enfin, même les formules en France, donc qui restent sur quatre roues. Et puis il y avait ceux comme Jean Béra, comme Beltoise ou Surtees pour les plus célèbres, qui ont commencé sur deux roues avant d'aller sur quatre roues. On s'aperçoit que sa carrière, il y a quand même des victoires assez intéressantes. Notamment en Formule 2, qui a été à l'époque considérée comme l'antichambre de la F1. Par exemple, des grands prix avec l'équipe Gordini comme à Pau, Grand Prix de la Marne, souvent en France. Et puis, il a commencé en F1 en quand alors c'est un peu spécial, c'est vrai que 51, 52, c'est un 52, 53, c'est un peu la période où la F2, c'est-à-dire le championnat du monde de F1. D'accord, c'est spécial, oui. C'est assez spécial, ouais. C'était, je crois, une réglementation au niveau de l'élite 5. Donc, c'était des voitures de l'élite 5 et du coup, c'était que les F2 qui pouvaient faire ça. Et ça a permis à Ascari de remporter deux titres de champion du monde, d'ailleurs, à partir de 52-53. Et il a quand même fait, dans sa carrière F1, des podiums, beaucoup de podiums, quand il était chez Maserati notamment. On pense par exemple au Grand Prix de Monaco en 55, podium quasiment avec Maurice Trintignant aussi qui était premier ce jour-là. C'était un Grand Prix assez favorable aux Français. Il a fait aussi une troisième place encore à Monaco en 56. Aussi troisième au Grand Prix de Grande-Bretagne, ce qui est, ma foi, une bonne performance. Le Grand Prix d'Argentine aussi, deuxième. Et il avait aussi remporté une victoire en F1, mais dans une course hors championnat. À Ah. l'époque, ça se faisait beaucoup, les courses F1 hors championnat. Là, en l'occurrence, c'était sur le circuit de Pau. Oui, c'est ça, de Pau. Et il a aussi remporté dans sa catégorie, avec une 450S Maserati, les 12 heures de Sebring. Donc c'est, voilà, il participe aussi à des heures, à des courses, on va dire, L'endurance. d'endurance. Très Et polyvalent ce pilote, hein. très polyvalent. Et on verra aussi Comme beaucoup que, à l'époque. et on verra aussi, voilà, que les autres pilotes dont je vais parler ont aussi eu de belles carrières en endurance. Et puis voilà, des courses hors championnat, il en a gagné quelques-unes avec Maserati. Et puis il est allé chez Porsche. Et puis en 1959, il a connu, on va dire, la consécration d'aller chez Ferrari. Parce que le style de pilotage convenait bien à Enzo Ferrari. Et donc bah, c'est une formidable opportunité pour lui. Malheureusement, ça s'est pas super bien passé. Et parce que les résultats n'étaient pas là, la fiabilité non plus. Et à un moment, et ça s'est malheureusement mal terminé pour Jean Béra, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, avec son ingé, je crois que c'est ça, c'est son ingé, il y a eu des, c'est, on va dire, assez envenimé. Ouais. Et voilà, le directeur sportif, un certain Romolo Tavoni, et donc le ton monte. Avec donc Jean Béra, qui est réputé comme étant un sanguin, et il va carrément le gifler. Donc, enfin, Béra gifle Tavoni. Donc, Ah oui, d'accord, il gifle son directeur d'équipe. Ah oui. voilà, c'est. Donc, C'est un du peu coup, bah, comme si forcément. aujourd'hui Alonso il giflait Ron Dennis, quoi. C'est. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est. Ah oui. Imaginez le truc où, chez Ferrari, bah, Ah, comment il s'appelle? Soit Raikkonen, soit Vettel, giflait Arriva Bene. Arriva Bene, Ah, voilà, c'est ça. c'est impensable chez Ferrari, ça m'en. Mais il s'est fait virer, non, suite à Et ça, il s'est fait Béra? virer. Il s'est fait virer. Bon, il a trouvé quand même, il n'a pas tout perdu non plus, puisque il avait un volant chez Porsche. Et quelques semaines donc après cette histoire, donc il est allé chez Porsche. Et arrive le Grand Prix d'Allemagne. Le Grand Prix d'Allemagne qui était sur un circuit absolument improbable de l'Avus. Ça mérite une petite description. En gros, vous prenez deux lignes droites façon autoroute et vous les reliez entre eux par des virages à angle. À angle. Quand je dis angle, c'est incliné. Et vous avez le circuit de l'Avus. D'accord. C'est spécial, hein, c'est. Voilà. Ça n'a été utilisé que cette année-là et on peut le comprendre parce que malheureusement, Jean Béra, il trouvera la mort sur un de ses virages, il a perdu le contrôle de sa voiture et donc voilà, il est écrasé sur un pylône et donc il est tué sur le coup. Donc, on va dire, lui, il n'a pas eu le coma de 8 mois. Et donc, malheureusement, bah, voilà, c'était un des pilotes qui montait le plus souvent sur le podium. Je crois qu'il a fait 9 podiums en 56 courses de F1. Ah, c'est une belle prestation. C'est une belle prestation, évidemment. Il y a aussi toute carrière à côté en F2 et en handisport et en enduro. Ça se déroulait plutôt bien aussi, hein. que ce soit aux 12 heures de Sebring, où il a même été deuxième en 69 avec une Ferrari. Alors, c'est deuxième, ce qui est quand même relativement... ce qui est quand même bien, quand même. Tu finis sur le podium d'une course d'endurance aussi prestigieuse que les 12 heures de Sebring, c'est quand même une belle perf. Hein, et donc, voilà, c'est un des premiers pilotes français à périr de sa passion. Et il y en a eu d'autres qui allaient suivre à intervalles réguliers. D'accord. Et donc, il a quand même été dans des marques assez prestigieuses, hein, oui. Pour les Maserati, BRM. Bon, BRM, ça parle peut-être pas aux plus jeunes d'entre vous, mais ça a été quand même une marque qui a bien marché jusqu'au, on va dire, milieu des années 70, si je me trompe Oui, pas, quand il y c'est avait ça. Niki Lauda Oui, au qui début, était dedans. ses débuts, ouais, à BRM. Porsche, Ferrari. Et du coup, il a dû avoir des coéquipiers prestigieux. Il a jamais eu de monoplace qui pouvait lutter pour le titre concrètement ou... Bah, concrètement, on va dire, dans ce laps de temps, chez Gordini, bon, clairement, Gordini, c'était pas des voitures qui pouvaient lutter pour le titre, hein. Ils luttaient pour les points, mais ça luttait pas pour le titre. Après, Maserati, en revanche, c'était une écurie de pointe dans les années 50. Ouais. Même en 57, Fangio a gagné le titre avec une Maserati. Donc, c'était quand même une belle voiture. Alors, c'était un peu moins le cas au début des années 50 où les voitures de pointe, c'était Ferrari, déjà. Où c'était. C'était. Ferrari, où c'était Mercedes, qui avait eu sa période 54-55 où ils ont bien dominé. Il y avait Alfa Romeo, qui était les écuries de pointe, et Maserati, c'était la quatrième équipe qui luttait un petit peu pour les points et pour les podiums. D'accord. Et parmi les équipiers prestigieux, chez Gordini, j'avais noté Maurice Trintignant, mais après vérification, je peux dire que non, parce que au moment où il était là, Trintignant était déjà chez Ferrari. Mais en revanche, par contre, quand il a eu sa période chez Maserati, là, il a eu quand même du très très lourd, puisqu'on compte la première année des pilotes tels que Mike Hawthorn, champion du monde 58 quand même, Ah, quand même. Stirling Moss, le champion sans couronne, comme on disait souvent, des meilleurs pilotes, José Froilán González. Alors ce nom vous dira peut-être pas grand chose. Il faut savoir que il restera dans l'histoire comme il reste dans l'histoire d'ailleurs comme le premier vainqueur de l'histoire pour Ferrari. En 1951, au Grand Prix d'Argentine, il avait D'accord. devancé tout le monde et il avait gagné. Il ne Donc serait pas c'est quand même. argentin en plus? Il est argentin. En plus, chez lui, pour Ferrari, c'est magnifique, ça, historiquement parlant. Visiter l'Argentin, ça a toujours été, on va dire, une. À la fois un. Ouais, c'est vrai que c'est une drôle, c'est une belle histoire. Hein. Puis évidemment, Maserati en 57, le plus grand de tous, Juan Manuel Fangio. C'est quand même eu dans ton équipe quand même Fangio, et ça c'est quand même la classe. Tout 57, il est intouchable Fangio à ce moment-là. C'est pas très loin. D'accord. Avec notamment ce Grand Prix de Belgique absolument incroyable où pendant les premiers tours, il laisse Ferrari. Prendre les distances, on va dire, les mettre dans un espèce de confort ouais, en disant voilà, on est devant, et puis que le directeur de course les incite à ralentir un petit peu en disant c'est bon, on a trop d'avance sur Fangio. À ce moment-là, donc, c'est là que le directeur de course de chez Maserati a dit maintenant tu peux y aller à fond, et ça a donné un truc du genre, il est revenu en trois tours. Pulvérisant les records du Grand Nürburgring, hein, c'est le Grand Prix de ce circuit-là. Il est revenu en trois tours et il est passé devant, notamment Mike Hawthorn. C'était aussi un duel assez important, intéressant. Et donc, du coup, Fangio a remporté la course et le titre. Et, ce Fangio-là, il est intouchable en 57. Hein, donc, voilà, Jean Vera a côtoyé le grand Fangio. Et aussi, oui, quand même. Voilà. Quatre grands pilotes, on va dire, chez Maserati. Alors ensuite, quand il était chez BRM, il n'a eu qu'un seul équipier, qui s'appelle Harry Schell, qui est un pilote néerlandais. Et quand il était chez Ferrari, alors il a eu plusieurs coéquipiers, mais j'ai noté le plus, on va dire le plus fameux à ce moment-là, en 59, c'était Phil Hill, le futur champion, enfin le futur champion du monde en 61. C'est quand même, c'est quand même pas mal aussi, le premier pilote américain à avoir gagné le titre mondial. D'accord. Et il s'en est sorti comment contre ses derniers coéquipiers? Sans parler de Fangio, parce que Fangio, c'était une autre dimension, mais... Chez Maserati, grosso modo, ça a été sa période, on va dire, fast, où il a eu ses meilleurs podiums, la plupart de ses podiums, deuxième et troisième, et devant parfois Moss, devant Hawtorn parfois, devant Gonzalez souvent, même si Sterling, Moss et Mike Hawtorn étaient des pilotes assez rapides, parfois il arrivait d'être assez devant. Et là, je ne parle pas de Fangio, qui en 57, comme je le dis, a été vraiment intouchable. Mais grosso modo, il s'en est sorti avec les honneurs, hein, chez Maserati, et ça a été sa meilleure période. Chez D'accord. BRM, par contre, ouais, je crois qu'il était relativement dans les mêmes coups que Harichel. Bon, bah, Ferrari, malheureusement, comme ça s'est pas très bien passé en termes de fiabilité, et comme je l'ai dit plus tôt, son histoire avec le directeur de course, ah, non, le directeur ouais, de général, il s'est pris une gifle dans la tronche. Voilà. Il n'a pas vraiment eu le temps de prendre la mesure de son coéquipier et adversaire. Donc, souvent, les équipiers sont les premiers adversaires des pilotes. Donc voilà, grosso modo, voilà Jean Béra qui a quand même eu de bons pilotes dans sa carrière. Il a eu une carrière assez honnête, hein, compte tenu bah, des pilotes qu'il y avait à l'époque. Et il restera comme l'un des pilote français, on va dire, les plus fougueux de sa génération. D'accord. Et un des premiers grands pilotes français, un des premiers bons pilotes français de F1, hein, je suppose, hein, aussi. Bien sûr, il y a eu contemporain de Maurice Trintignant, c'était les deux, on va dire, qui ont donné les premières lettres de noblesse aux pilotes français. Voilà, la course automobile française, bien sûr. En tant que pilote, puisque voilà, Maurice Trintignant qui a quand même gagné deux grands prix, était voilà, pendant longtemps le seul vainqueur français grand prix avant le prochain dont on parlera par la suite. D'accord. Eh bien, on va peut-être marquer une petite pause musicale avant de parler des pilotes suivants d'ailleurs. Oui, D'accord. Ben, on va pourquoi pas. s'écouter du White Blues, on va s'écouter Prisoners. À tout de suite, tout le monde. Thank you. Vous écoutez bien Analyse F1, ou plutôt Rétro F1, la chronique de Mister Yo-Yo. Et Mister Yo-Yo vient de nous parler de Jean Béra, un très très bel hommage et un très beau souvenir de ce pilote. Et maintenant, de quel pilote vas-tu nous parler, donc, Mister Yo-Yo? Bien, nous allons parler de Joe Schlesser. Joe Schlesser, alors il faut savoir que c'est un pilote qui, contrairement à Jean Béra, n'a pas fait une très grande carrière en F1. Malheureusement, son seul Grand Prix, c'est le Grand Prix où il trouva le Grand Prix de France à Rouen, les Essarts. Bien, c'est le circuit où il trouvera la mort le 7 août, si j'ai pas de bêtises. C'est, ouais, le 7 juillet, pardon, 1968. Donc, suite à cet accident. Mais sa carrière n'en est pas moins remarquable, puisque c'est un exemple de réussite sur les courses d'endurance. D'accord. Et il a piloté que ce soit pour Ferrari, il avait piloté pour Ford Falcon, et ensuite Ford GT et Matra aussi. Enfin, il a quand même assez bourlingué, on va dire, dans sa carrière. Des marques de prestige, hein, tout ça. Des marques de prestige, et on s'aperçoit que aussi ce pilote a quand même remporté et a et de très, très belles courses, donc des courses prestigieuses, puisque en 1965, quand il était en GT avec la Ford, il a remporté tout sur tout dans sa catégorie les 24 heures de Daytona. Il a fini quand même deuxième au général, et remarquable, les 12 heures de Sebring. Il a fini quatrième au général, mais il a remporté dans sa catégorie Grand Touring sur une AC Cobra et pas une Ford. Une AC Cobra. Et juste après, il gagne à les 24 heures de Reims, où il a fini 5e au général. Et donc avec ses coéquipiers américains qui sont Bob Johnson et Bob Bondurant, pour la petite histoire. Et donc, il a aussi gagné des titres de champion de France en GT. Et puis, quand même une bien belle carrière, avec une nouvelle victoire aux 12 heures de Reims en 67, avec une Ford GT, avec mon ami Guy Ligier, dont on parlera un petit peu plus tard, pas pour la chronique, mais pour son amitié avec Joe Schlesser. Ensuite, en 68, il finit 3e des 24 heures de Daytona. Et une nouvelle victoire de catégorie au 1000 km de Spa. Si vous imaginez, à l'époque, le Francorchamps 68, c'est 16 km le circuit. Ah ouais, il y avait un vieux circuit de Spa aussi long que ça, d'accord. Ouais, il y avait. Il reprend grosso modo la base de ce qui fait le Spa aujourd'hui. Ils ont rajouté un grand tour qui fait que ça fait 16 km. D'accord. Et donc, 40 ans, donc ce mois de juillet 68, pour Honda, qui en 67 s'est lancé en tant que constructeur, hein, de concepteur de F1 officiellement, hein, avant que ce soit des motoristes, eh bien, il fait équipe avec John Surtees, qui est une référence, un champion du monde aussi, en 65 avec. Et voilà, c'est quand même pas mal. Et il faut savoir que Schlesser devait débuter avec une F1, on va dire, qui avait un châssis en magnésium, qui était une nouveauté, évidemment, c'était très expérimental pour l'époque. Au départ, John Surtees n'était pas très chaud pour la faire, et donc du coup, comme Schlesser était là, et bien du coup, c'est lui qui a dû faire dû utiliser cette voiture. Alors, est-ce que ça a eu un impact sur l'accident qu'il a eu? En tout cas, déjà, ce qu'on peut être sûr, c'est que il pleuvait ce jour-là, au moment où il glisse et percute le talus. Malheureusement, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que la voiture prend feu. Et dans les années 60-70, surtout avec une sécurité qui était très très, très relative, malheureusement, un an après, Lorenzo Bandini, Monaco, eh bien, le pauvre Joe Schlesser n'a pas survécu à cet incendie. Là où c'est remarquable avec Joe Schlesser, et je vais en parler tout de suite, c'est que il y avait son amitié avec Guiligier. Et la petite anecdote, c'est que ce jour-là, Guiligier était à l'hôpital après un accident aux 24 heures du Mans, je crois. Donc il était en train de soigner ses blessures. Et au moment où il a eu l'accident, il aurait ressenti une douleur absolument terrible. Vraiment terrible, quoi. C'était le truc, alors qu'il ne savait absolument pas ce qui était en train de se passer. Il n'avait pas la radio, donc c'est après qu'il a su, heureusement, que son ami était mort. Et ça montre quand même le lien presque fraternel qu'il y avait entre ces deux hommes. Ouais, ce serait presque un pressentiment, oui. ou certains diraient une coïncidence, mais ça peut être un pressentiment, ouais, c'est vrai. Ouais, on peut dire que qu'il avait une espèce de pressentiment que quelque chose de terrible allait se passer, et malheureusement ça a été peut-être la coïncidence veut que ce soit à ce moment-là, mais c'est quand même une drôle d'histoire. Et Guiligier sera tellement évidemment choqué de la disparition de son ami que quand il lancera ses propres automobiles, les fameuses Ligier, bien sur chaque modèle il y a JS. Vous êtes souvent demandé JS 11, 12, 13, peu importe le chiffre derrière, mais il y a toujours le JS. Et bien, le JS, c'est pour Joe Schlesser. C'est un hommage à son ami Joe Schlesser. Un très bel hommage. Hein, parce que, et un très bel hommage. Ouais, parce que là, c'est vraiment inscrit longtemps dans l'histoire, hein, les Ligier JS. C'est vrai, et oui. Qu'on et, s'en même encore souvient. Et même encore aujourd'hui, aux 24 heures du Mans, il y avait eu des Ligier était en place. D'accord, ah, je savais pas. Ouais, c'est, d'ailleurs ça m'a fait frapper. Ah ouais, tiens, les Ligier, et puis quand tu vois le logo, ah bah toujours GS. Donc, t'as toujours, même si Guy Ligier n'est plus, je crois, patron de Ligier, mais ouais, je crois que dans les 24 heures du Mans, il y avait des Ligier qui étaient là. Et je sais que déjà son écurie avait été rachetée par. Briator, et que après c'est devenu les Proz Grand Prix, du moins à F1. Et visiblement, il continue aux 24 heures du Mans, effectivement en course d'endurance, à aligner des voitures à son nom. Pour en revenir à Joe Schlesser, il faut savoir aussi qu'il a fait quelque chose d'assez, et on va dire d'assez étonnant, et enfin assez unique à l'époque. C'est en 1964, le premier pilote français à participer à une épreuve de NASCAR. Ah ouais, il s'est essayé aussi à la NASCAR, là c'est complètement différent de. Et c'est, ouais, et donc c'est au Daytona 500, il a participé au Daytona 500. Et il faut savoir que dans l'histoire de la NASCAR, il n'y a que deux pilotes français, hein, qui se sont essayés au NASCAR et qui ont eu droit à une course. Donc il y a Joe Schlesser en 64 et il y a Claude Ballot-Lena en 1978. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Aucun qui a fait même une participation ni rien. Rien du tout. D'accord. Et, ah ouais. Le NASCAR, c'est quand même. C'est vrai qu'on a des pilotes et de bons pilotes qui sont dans les courses américaines. Je pense par exemple à Sébastien Bourdais, à Pajot. Pajot, ouais. Pajot, pardon, pas Pajot. Et Pajot, voilà. Et Vautier. Il y en a un troisième. Et Vautier, tout ça. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai qu'en NASCAR, c'est encore un, entre guillemets, un bastion qui n'est pas encore pris par les Français. Ah, il faut dire que c'est quand même assez, assez différent. Le pilotage est vraiment, enfin, c'est pas vraiment les mêmes qualités qui sont requises, et c'est très américain encore comme discipline. Ouais. Même si ces dernières années, il y a quand même une NASCAR européenne qui s'est mise en place avec pas quelques circuits en Europe, mais ouais, faudra voir peut-être dans encore plus d'années que ça se développe encore plus, mais c'est vrai que c'est encore un peu frais. Par exemple, en F1, là, il y a qui voulait. Je crois que c'est Hamilton qui a dit qu'il voulait essayer le NASCAR récemment. Enfin, il a dit aussi qu'il voulait essayer le MotoGP. Je crois qu'il veut tout essayer en ce moment. Après tout, c'est plutôt pas mal, et on a vu qu'avec avec l'exemple de Nico Hülkenberg, on pouvait être engagé en F1 et faire de belles choses dans les courses annexes, entre guillemets. Quand je dis annexes, les 24 heures du Mans, c'est loin d'être une course annexe, bien sûr. Oui, Mais ça c'est sûr. voilà, c'est. Mais c'est vrai qu'il a donné des idées à pas mal de pilotes et c'est bien, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on retrouve, on va peut-être retrouver un petit peu, peut-être pas autant qu'avant, mais une sorte de petite polyvalence là qu'on avait justement dans les années 60, 70, 50. Tout à fait. Et on voit d'ailleurs, par exemple, chez Serf, l'exemple type d'un pilote qui est allé, enfin, qui a fait les 24 heures du Mans, qui a fait pas mal de trucs. Bon, il n'a pas eu beaucoup de chance, hein, en 24 heures du Mans. Il y a eu au moins, il a abandonné sur toutes les participations. Il n'a pas eu de bol dans cette course-là. Mais d'ailleurs, sur les courses d'endurance, c'est quelque chose. C'est vrai que on a l'impression que maintenant, c'est souvent des spécialistes de là, ou alors attendent plus faire de F1 pour s'engager dans les autres trucs. Quelque part, c'est un petit peu dommage parce que, par exemple, on aimerait bien qu'il y ait des pilotes qui, par exemple, s'engagent pour les 500 miles d'Indianapolis, même si aujourd'hui, ça n'est plus une course qui compte pour le championnat, comme ça a été le cas dans les 5 premières années du championnat de F1. Les 500 miles d'Indianapolis comptaient pour le championnat. Ah ouais, d'accord. Ce qui était assez rigolo, c'est que tu avais des mecs qui, forcément, ne participaient qu'à une seule course. C'est les pilotes américains qui participaient qu'à une seule course dans le championnat de F1, c'était les 500 miles, ils gagnaient. Qui était donc crédité. Il y a quand même un pilote qui est allé, hein, au 500 miles et qui l'a gagné, c'est quand même Jim Clark. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais gagné Monaco, c'est qu'il allait au 500 miles. C'était un truc de Colin Chapman à l'époque. Il voulait absolument remporter cette épreuve, ce qui fait qu'il a pas gagné Monaco, Jim Clark, parce que ça tombe toujours sur le même week-end. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ils peuvent pas faire les deux, c'est Du coup, physiquement impossible. ouais, c'est ça. C'est le dimanche, t'as les courses et en quelques heures d'intervalle selon avec le décalage horaire, mais sinon, tu peux pas, quoi. Il fallait faire un choix. Ah oui, donc il y avait deux courses en même temps et qui comptaient toutes les deux pour le championnat du monde de F1. C'est ça. Donc Ah. forcément, il fallait faire un choix. Et Ah donc à ouais. partir de, et donc à partir de 60, 61, on va dire. Les 500 miles d'Indianapolis ne comptaient plus pour le championnat, et ça n'a pas empêché quand même Jim Clark d'y participer à certains moments, même si parfois il allait à Monaco, mais comme Monaco il a jamais eu de chance là-bas, du coup, et pourtant les 500 miles c'est tout aussi difficile, hein, dans un autre registre. On a deux courses qui sont très difficiles qui sont sur le même week-end. De course, ouais, très difficile et assez mythique, ça c'est vrai. C'est assez fort. Mais c'est vrai que cette histoire de deux courses dans le même week-end pour le même championnat, c'est. Enfin, c'est vrai que c'est. Aujourd'hui, s'ils font ça, tout le monde leur tombe dessus à la F1. C'est Ah, obligé. ce qui prouve que l'évolution, hein, des mœurs, entre guillemets, entre les différents changements moteurs, et hop, d'un coup on passe en 2 litres 5, parce que bon, les 3 litres, non, les 4 litres et demi, enfin, c'est non, les 1 litre 5, c'était les moteurs turbo, enfin les turbocompresseurs à l'époque, c'était trop cheaté, donc on passe en 2 litres 5, donc du coup ça favorise les F2. Puis on repart en 4 litres 5 en F1 avec l'arrivée. Après, il y a l'arrivée du moteur Cosworth. Enfin, les histoires, on voit, c'est énorme à chaque fois, quoi. Ouais. Et du coup, Joe Schlesser, pardon, au Daytona 500, il a fait, il a rallié l'arrivée au moins, ou il a pas eu de chance. Alors, attends, Daytona 564. Je vais me mettre dessus, hein, simplement. On va voir si. Déjà que c'est Richard Petty qui a marqué à gagner. Ouais, un pilote, aussi un pilote d'exception. Bon, on est dans l'analyse F1, on va pas parler trop des pilotes de NASCAR, mais Richard Bien Petty, c'est sûr. vrai que c'est un nom qui m'évoque pas mal de choses. Bon, déjà, il n'est pas dans le top 10, c'est sûr. Bon, fallait s'y attendre aussi, hein. Joe Schlesser qui a quand même terminé 13e. Quand Ah, même. c'est une belle performance, hein, parce que c'est un gros défi le NASCAR quand on n'est pas habitué. Ouais. C'est sa première course, c'est peut-être l'une de ses seules, mais en tout cas, voilà, au Daytona 500, voilà, ce type-là, quand même, ce pilote a quand même réussi à être devant, par exemple, un mec comme Dan Gurney qui fera plus tard des courses en F1, Ah oui, quand même, mais quand qui est un même. pilote américain, donc qui doit être beaucoup plus habitué Il y a aussi, quand même, bon, j'en parle, mais il y a aussi un nom qui s'appelle Ernar. Et c'est un nom qui, en Askar, veut dire beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, c'est Ralph. Et je crois que c'est le père de Dale. D'accord. Senior. Ah ouais, il y a quand même C'est. trois générations de Earnhardt qui sont en Askar quand même, Ouais, ouais. c'est fort. Donc, voilà. Et il faut savoir que, y a aussi un Canadien qui a participé à cette épreuve et qui a quand même terminé très loin. Jim Bray, qui a terminé 42e. Bon, il D'accord. est allé abandonner. Hein. Mais, comme on le dit, Jos Luther, pour répondre à ta question, il a non seulement terminé la course, mais il a terminé la course en 13e position. Et c'est juste énorme, hein. 13e en NASCAR pour la première course. Il y a beaucoup de rookies américains de NASCAR aujourd'hui qui aimeraient bien finir 13e à leur première course, hein. Donc, et à l'époque, Qui faisait. ça a dû avoir un retentissement, un sacré retentissement, je pense. Ah oui, il a quand même eu une popularité, hein, Josh Lesser. C'est vrai que quand tu es à l'époque, je pense que dans la presse, la F1, mais surtout, on donnait beaucoup d'importance, plus encore qu'aujourd'hui, je trouve, aux courses d'endurance. Et c'est ce qui a fait sa popularité à l'époque, dans les années 60. C'était bah, ses belles performances, non seulement aux USA, mais voilà, quand tu gagnes en GT, une course aussi prestigieuse et que tu termines 13e en NASCAR, pour l'une de tes rares courses là-bas, c'est voilà, ça te situe quand même un pilote. D'accord. Et malheureusement, on pouvait, et malheureusement, on ne saura jamais ce que donnera au final l'ami Jos Lesser en F1, parce que malheureusement, pour sa première course, eh bien, il trouve la mort. Bien Ouais, triste. c'est très malheureux. C'est quand pile quand le monde de la F1 a lorgné sur lui que ça s'est fini pour lui. C'est vraiment triste. Ouais. Pour la petite histoire, malheureusement, et pour la petite histoire, c'est le dernier Grand Prix qui aura lieu à Rouen. C'est au circuit de Rouen-les-Essarts. Alors, circuit, bon, circuit, est-ce qu'on peut appeler ça un circuit? Parce que Rouen-les-Essarts, c'est quand même, allez, un long circuit, mais qui utilisait des routes nationales. Ah oui, comme beaucoup d'ailleurs de circuits à L'époque, ouais. l'époque. D'ailleurs, je vous invite, pour les plus jeunes d'entre vous, pour avoir une petite idée des circuits de l'époque, il y a Red Bull qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps où ils visitent, ils ont fait une sorte de parcours pour visiter les anciens Grands Prix, notamment en France. Et ils sont allés à l'ancien Grand Prix de Reims, il me semble. Et pareil, c'était sur des Ouais, routes, quoi. Reinsgueux. C'était Reinsgueux, ouais. Voilà, C'était Reinsgueux. surnommé le Nürburgring. C'était celui-là. Il faisait 8 km et qui était assez relevé pour l'époque aussi. Grand Prix de France qui ont toujours eu leur petite importance, bien sûr. C'est vrai qu'entre Reims, Rouen, il y a eu aussi à Clermont. Je crois qu'il y en a eu, ouais, à Clermont. Ouais, Ils ont à essayé Charade. à Charade, voilà, le circuit de Charade qui était réputé. Et même il y avait et puis Montlhéry aussi, même si ça n'a pas accueilli de la F1, mais il y a beaucoup de courses automobiles qui se sont déroulées à Montlhéry et ça reste un circuit mythique. Puis voilà, c'est il y a une la F1 en France a une histoire très longue et aujourd'hui malheureusement ça fait mal de voir que bah, il n'y a pas de Grand Prix de France. Et même cette année, il n'y a pas de Grand Prix d'Allemagne, ça la fout mal quand même. Ouais, je comprends. Parce que l'Allemagne, vu qu'en ce moment, plus avec Mercedes, mais on va dire que déjà, historiquement, l'Allemagne a quand même apporté énormément dans la course automobile, que ce soit Porsche, Audi, et puis donc Mercedes. Pour moi, c'est quelque chose d'anormal que deux grands pays de la course automobile n'aient pas de Grand Prix à eux. Mais pour l'Allemagne, ça revient l'année prochaine. C'était un souci d'argent, mais ça revient l'année prochaine. Les organisateurs Ouais, je crois que c'est à Hockenheim. d'Hockenheim, ouais, ils ont assuré que ce serait bon pour l'année prochaine. Et ben, espérons que ce soit une réussite, quoi, ce Grand Prix Bon, en on sait que termes. Hockenheim, ça a toujours, c'est toujours. Même si je regrette quand même qu'il n'y ait plus la grosse ligne droite à Hockenheim dans Ah la oui, forêt, ça, c'est sûr que ça joue beaucoup. ça apportait quelque chose à ce circuit qui n'a pas. Même si le circuit du Nürburgring, l'actuel, est plutôt un circuit. Pas trop mal, hein, c'est un bon circuit. Ouais, c'est Mais sûr. c'est vrai que le Hockenheim des années 90, hein, on remonte pas très loin, c'est 2001-2002, hein, la dernière fois que circuit était utilisé dans sa configuration ancienne. Et franchement, il y a eu des grands prix là-bas qui sont restés célèbres, notamment quand en 2000, je fais évidemment on digresse sur, mais comme on est dans la F1, on digresse aussi pas mal des fois. Mais par exemple, quand Barrichello a gagné son premier grand prix, il y avait cette fameuse pluie qui était là au stadium, mais qui n'était pas dans le. Dans le. Dans le. La forêt. Donc du coup, Barrichello devait faire le choix, est-ce que je mets les pneus pluie ou est-ce que je garde mes pneus rainurés? Parce qu'à l'époque, ce n'était plus les pneus slip, mais c'était les pneus rainurés. Donc du coup, il avait tenu avec ses pneus rainurés dans le reste du tour. Et il a gagné son premier grand prix en ce Hockenheim-là. Et c'était une belle chose parce que c'était une belle consécration pour ce pilote. Il est fort sympathique d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et à l'époque, moi, ce que j'aimais bien aussi sur circuit et qui n'est plus maintenant, c'est l'entrée sur le stadium. Hein. Il y a pas, c'était magique l'entrée sur le stadium. Tu sortais de la forêt, pouah. Ouais, et puis ça arrivait en pleine vitesse parce que c'était après une super ligne droite, donc il y avait un gros freinage. Et puis c'était là où tu pouvais doubler aussi. Aussi, bon. Ouais, même si c'était assez ardu, mais ouais, c'est vrai que c'était possible. Ouais, et donc pour en revenir au Grand Prix de Rouen, c'est vraiment l'accident de Joe Schlesser qui a provoqué l'abandon de ce Grand Prix au calendrier ou on peut le supposer, hein. Je vais évidemment vérifier pour avoir l'info parce que pas me permettre de dire des conneries dans ces cas-là. Ouais. Mais on peut penser, déjà de prime abord, je dirais, on peut penser que cet accident n'y est pas pour rien dans le fait qu'on ait abandonné ce circuit. Donc là, je vais sur ma Bible, le site pour les infos, F1. Je vous recommande d'ailleurs ce site si vous avez envie de voir les statistiques et les circuits de l'époque, le tracé des circuits de l'époque. Voilà, Rouen-les-Essarts. Le premier Grand Prix date de 1952. Il y a eu 5 Grands Prix qui se sont déroulés là-dessus. Et le dernier date de 1968. Donc effectivement, on peut dire que le circuit n'a plus été utilisé depuis pour la F1 après l'accident de Joe Schlesser en 1968. Donc il y a eu un vrai impact sur ce circuit qui faisait à l'époque, tenez-vous bien, 6,5 km. Hein, c'était relativement. En gros, c'est une sorte de Spa-Francorchamps. C'est vrai. Ouais, les circuits étaient assez longs à l'époque, ouais. Ça c'est vrai. On va pas parler du Nordschleife qui faisait. Le Nordschleife des 22 km, c'est un moment. Hein. Ceux qui ont joué à Gran Turismo sur PSP, mais je pense qu'il y a d'autres Gran Turismo qui en ont parlé, et aussi à ce jeu sur. Il y avait un jeu, une simulation de F1 qui était sur PC et qui en gros mettait les pilotes, les pilotes et les voitures de 1967. Et donc, qui reprenait le championnat de 1967, eh bien, il y avait ce Nordschleife. Ouais, c'est assez. Et donc, je pense que tous ceux qui ont piloté, que ce soit avec même l'Air Factor et tout ça, parce que l'Air Factor, vous pouvez aussi piloter des vieilles voitures sur les vieux circuits. Je pense que tous ceux qui ont été confrontés à ce circuit savent de quoi je parle. Savent de quoi on parle sur le. Sur la badassitude de ce circuit. En effet, ça c'est clair. Du coup, est-ce que tu as tout dit sur Joe Schlesser ou tu veux rajouter quelque chose? Ah, attends, j'avais une question, oui, à propos de Joe Schlesser. Il est de la même famille que Jean-Louis par hasard? C'est le tonton. D'accord. C'est le tonton de Jean-Louis Schlesser. Une grande famille de grands pilotes, alors. Oui. Une grande famille de grands pilotes, d'accord. D'ailleurs, il a fait un grand prix dans sa carrière de F1, Jean-Louis, en Italie en 88, mais évidemment pour tous les autres, les rallye raids et les sports auto, il sera connu, Joe Schlesser. Hein. Je me souviens encore de sa Pajero qui allait dans les rallyes. Jean-Louis, tu veux dire. Oui. Là, je disais Joe, pardon. Ouais. Jean-Louis, parce que je me suis embrouillé, j'ai dit Joe Louis, enfin bref, j'avais un problème. Ah oui. c'était un surnom que je donnais à un vieux pote, c'est pour ça. Ok. Il s'appelait Jean-Louis, donc ça, c'est revenu comme ça d'un coup. Donc voilà, je parle de Jean-Louis Schlesser, évidemment, je me souviens encore de sa Pajero qui allait sur le rallye raid des. C'était ce qui se passait au Maghreb. pas le rallye des gazelles parce que ça c'est pour les femmes, mais tu sais, c'était dans le même genre. Il y avait un Le rallye qui se Dakar. passait, oui, il y avait le Dakar, mais il y avait aussi bah, des rallyes qui se passaient là-bas aussi. Ah ouais. Bah, voilà, c'est des courses assez connues. Hein. Donc, il y avait ça, ça... Ouais, c'était ça, hein, ça Pajero. C'était en plus une voiture qui se démarquait au niveau de sa forme des autres. La voiture, ouais, enfin la voiture bleue avec le sponsor gauloise, non, c'était pas Ouais, ça? c'était ça, ouais, c'était ça, c'était Il me Giro, je semble. crois, un truc comme ça. Ouais. Donc, en tout cas, on savait que s'il y avait cette voiture, c'était Jean-Louis Schlesser qui était en pilotage. Donc, c'était Ah ben moi le vieux. j'ai l'image enfin de Jean-Louis Schlesser hyper dominant au Paris-Dakar dans sa justement dans sa Pajero donc apparemment est bleu surtout le bleu je me souviens de la Ouais. teinte du bleu mais je pourrais te la retrouver direct la teinte tellement Oui, la teinte et puis même la forme de la voiture oui. qui changeait par rapport, enfin qui se démarquait par rapport aux autres voitures qu'il y avait à l'époque. Je crois qu'il y avait, on va pas dire, je me souviens plus des noms qu'il y avait à l'époque pour le Paris-Dakar, mais voilà, c'était le c'était une voiture, on va dire, qui se démarquait. La Pajero de Jean-Louis Schlesser, c'était vraiment la voiture qui se démarquait par rapport aux autres. Enfin, on peut se on s'en rappelle vraiment en tant que voilà, ça faisait partie, voilà, en plus ça faisait partie vraiment des pilotes phares de Paris-Dakar, bien entendu. Donc voilà, pour revenir à la question, effectivement, Joe Schlesser, c'est le tonton de Jean-Louis, donc très famille de F1 aussi, hein. Oui, ça c'est sûr. On parlait de la famille Earnhardt, là la famille Schlesser. On aborde quand même pas mal de grandes familles du monde du sport auto dans Rétro F1 et c'est très important de le faire. Du coup, eh bien, quel sera le prochain pilote dont tu parleras, Mister Yoyo? Eh bien, on va parler de François Sever. Aussi pas mal de choses à dire sur sa carrière et sur son pilote. Et puis voilà. Que c'était aussi un pilote qui avait aussi ce point commun avec Jules, qu'on en attendait évidemment énormément, même un futur champion du monde, n'ayant pas peur des mots, que ce soit dans les deux cas, je pense. On était peut-être là pour Jules quand. Il devait aller chez Ferrari. C'était vraiment quelque chose qu'on attendait. Et à l'instar de François Sever, il a suscité beaucoup d'espoir dans la France, non seulement de la F1, mais dans le sport automobile. Il a redonné beaucoup d'espoir, qui a quelque part été à l'origine d'une génération de très bons pilotes dans les années 70-80. Dont évidemment le pilote dont on va parler après François Sever. Et voilà, on en parlera évidemment juste après. Mais on parle d'abord de François Sever. D'accord, et eh bien avant de parler de François Sauvaire, on se retrouve juste après une petite pause musicale. Bonne écoute et à tout de suite. Time blew the reasons. Nous sommes donc de retour dans Rétro F1 en compagnie de Mister Yo-Yo. Nous venons de parler de Jean Béra puis de Joe Schlesser. Et maintenant, nous allons parler de quel pilote, Mister Yo-Yo ? Eh bien, de François Sever, celui qu'on a surnommé le prince. Déjà un nom de pilote qui évoque un peu plus de choses, vu qu'on se rapproche, on va dire, de nous en termes d'histoire. Ça évoque déjà plus de choses. Même si Joe Schlesser, forcément Schlesser, ça évoque des choses, mais c'est vrai que François Sever a bien marqué son empreinte, comme tu vas sûrement bien le démontrer. Oui, tout à fait. C'est vrai que dès le début, il a montré de bonnes dispositions en tant que pilote. Il faut savoir que, par exemple, en 1966, donc à l'âge de 22 ans, il a participé à une course qui s'appelle le vol en Shell. Alors pour faire simple, hein, le vol en Shell, c'est une course qui met en scène des pilotes très jeunes, de 18 à 28 ans. Donc le vainqueur a le droit à une saison en championnat de France de Formule 3. Donc c'est une course qui peut se révéler de jeunes pilotes et qui peuvent avoir la chance derrière de faire une année déjà en Formule 3, ce qui est déjà très, très bien. Il faut savoir que le vol en Shell a lieu sur le circuit de Nevers-Magny-Cours. Et ouais, 1965, déjà Magny-Cours existait. D'accord. C'est assez intéressant déjà de signaler. Donc, cette année 1966, bien, il y a François Sever qui a remporté cette épreuve devant un certain Patrick Depailler. On en reparlera évidemment après de lui. Déjà, ça montre bien déjà la génération et ça montre déjà que dès le début, dès sa première course, eh bien, il a montré de bonnes dispositions. Derrière, il enchaîne avec le championnat de France de Formule 3. Il remporte en 1968 une Techno Ford. Donc voilà, déjà, ça confirme déjà que c'est rapide le gars. Ensuite, en 69, il court en Formule 2. Et donc toujours chez Techno. Il finit troisième du championnat d'Europe. Mais il y a une course qui va changer sa vie, c'est le Grand Prix de Reims. Encore à Reims, et cette fois en F2. Non, Reims-Gueux, hein, ce circuit-là. Où en Formule 2, il devancera un certain Jackie Stewart, quelques centièmes de seconde. Vraiment, ils étaient vraiment côte à côte sur la fin. Et c'est ce verre qui l'emporte. Et cette course va changer la vie, va lui changer la vie parce que c'est le Grand Prix où déjà Jackie Stewart entend parler lui pour la première fois. Et surtout, Ken Tyrrell le remarque. Et donc l'année suivante, il l'engage chez Tyrrell, qui donc Tyrrell c'était les Tyrrell March. Des March, voilà, c'était des voitures March qui étaient utilisées pour Tyrrell à ce moment-là, en 70. Et non seulement c'était pour ses talents de pilote, mais également pour son commanditaire français qui était Elf Aquitaine. Ce qui, ma foi, c'est bien aussi d'avoir des petits sponsors comme ça. Ça peut permettre des choses, mais en même temps, quand tu as le talent, ça. Voilà. Donc, du coup. Ah, attends, excuse-moi, c'était qui le sponsor? Parce qu'il y a eu une petite coupure, du coup. Ah, excuse-moi, oui, pardon. Je redis. Donc, non seulement pour ses talents de pilote, mais également pour. Parce qu'il y avait aussi un commanditaire français qui s'appelait Elf Aquitaine, donc Elf. Ah, Elf, d'accord. Donc, c'est aussi. Voilà, c'est autant l'un que l'autre, on va dire, autant pour les pilotes que pour le commanditaire. Ken Tyrrell a choisi François Sever pour être coéquipier de Jackie Stewart en 70. Et donc très vite, Jackie Stewart va se prendre de passion pour le jeune pilote français. Et il va le prendre sous son aile, il va jouer le rôle de mentor avec voilà, côté paternel, à tel point que l'amitié va être telle que pendant les vacances, il n'était pas rare que Stewart invite Sever et sa femme, qui se trouve être la sœur de Jean-Pierre Beltoise, soit dit en passant. Et oui, beau-frère de Jean-Pierre Beltoise, sachez-le. Voilà, petite reboucle avec mon premier cast. Un petit lien entre deux podcasts. Vous savez, chers auditeurs, que j'adore ça. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas à aller le consulter, le podcast sur Jean-Pierre Beltoise. Très, très, très bel hommage de la part de ta part. D'accord, bah, merci déjà. Et puis, c'était vraiment une belle expérience et qui m'amène ici aussi. Donc, c'est très bien. oui, bah oui, c'est autant le dire. Hein. Et puis donc j'en étais donc en 70 et donc et puis l'amitié entre Stewart et François Sever, donc il allait en Écosse son manoir, je crois qu'il avait un manoir Stewart, parce que lui c'est un Écossais vraiment à l'ancienne quoi, c'est-à-dire fier de son blaze, fier de ses blasons avec son château et tout. Bon, il n'en était pas à mettre le kilt hein, mais il avait le côté la noblesse de l'Écossais. Il avait pas le kilt, mais je me souviens de certaines images où il a un béret en couleur, genre couleur, enfin couleur carreau avec comme on peut trouver sur les kilts d'ailleurs. Oui, d'ailleurs il arborait ses couleurs entre guillemets sur sa voiture et même sur son casque. Voilà, Stewart était assez fier de ses origines et fier de son clan, on va dire le clan Stewart. Il avait ce côté, il avait vraiment ce côté assez noble, noble écossais. D'accord. Et en plus noble en tant que pilote. En plus, enfin, il a toujours été pilote très, comment dire, classe. En plus d'être un très grand pilote. Donc, sa noblesse se répercutait non seulement dans son pilotage, mais aussi dans sa vie. Et c'était assez intéressant et surtout le contraste avec Jackie Stewart qui était beaucoup plus fêtard que lui. C'était assez intéressant. Deux Écossais qui avaient deux caractères différents. Voilà, c'est la petite digression. Pour en revenir à François Sever, donc, la trajectoire de François Sever, c'est un peu comme Jules. C'est un pilote qui a suscité l'espoir au fil du temps, qui a une trajectoire vers le haut, mais rectiligne. Tout était tracé pour qu'il fasse une très belle carrière en F1, un peu comme Jules. Et c'est vrai qu'à l'époque, il était très populaire aussi dans les médias, parce que déjà, il était un beau gosse, Sever. Ensuite, quand il parlait, je sentais que le mec, c'était un mec loin d'être bon. Voilà, il parlait très bien, il passait très bien. Et donc, il avait tout déjà pour réussir. En tant que pilote, il avait tout aussi pour réussir, pour faire parler de la F1 et faire parler de sport en France. Et on rappelle quand même que avant lui, on parlait de Joe Schlesser. Et Joe Schlesser, malheureusement, n'a eu qu'un seul Grand Prix, mais il y avait très peu de pilotes français qui s'étaient illustrés depuis Jean Béra et Maurice Trintignant. Et donc, Sever, de ses 20, on est en 70, donc il a 26 ans à l'époque, et il symbolise le renouveau du sport automobile français qui allait se poursuivre avec Jean-Pierre Beltoise, avec Patrick Depailler, avec Alain Prost, Pironi et beaucoup d'autres. Et au final, finalement, Sever, ça a été le fer de lance de cette génération de pilotes. Et donc, son année 71, qui est donc sa première année en F1, ou d'ailleurs la première année où Tyrrell utilise ses propres écuries, ses propres voitures, c'est déjà une très grosse année pour... déjà Tyrrell c'est une écurie de pointe à ce moment-là, c'est une très grosse année pour non seulement pour Sever mais également pour l'écurie Tyrrell, puisque Jackie Stewart sera champion du monde. Et puis François Sever en tant que pilote numéro 2, à ce moment-là, les rôles étaient clairement définis. Stewart était le leader et François Sever apprend le métier auprès de son illustre aîné et donc met le rôle entre guillemets du fidèle lieutenant, mais comme un Barrichello, faut pas déconner. Ah, mais c'est quand même fort d'avoir un pilote aussi talentueux que Stewart, qui était déjà champion du monde, si je me trompe pas, à l'époque Ouais, en plus. ouais, ouais. Et comme Sur une... Enfin... coéquipier, c'est clair, comme manière d'apprendre, c'est apprendre quelque part à la dure, mais c'est apprendre avec le meilleur. Donc c'est apprendre plus vite, je pense. Ouais. Et du coup, cette année-là, il est arrivé combien du champion du monde? À quelle place? Il a fini troisième. Waouh! Ah oui, quand même! Très belle. Ouais. Ouais, c'est sa deuxième année, pardon. Parce que 70, il avait déjà marqué quelques points. Il a fait 9 Grands Prix. Il a marqué un petit point. Et alors, en Ouais. 71, il finit troisième du championnat du monde. Avec 4 podiums. En 11 courses. Et à l'époque, il n'y avait pas non plus énormément de courses en F1. Hein. Ouais, On quand se même, remet en. quasi, presque la moitié de la saison, il a fait des podiums. C'est. Alors, Enfin, pour un faire. tiers de la saison à peu près. Ah, si c'est 11 grands... S'il a fait tous les Grands Prix, c'est 11, hein, de toute façon. Donc, il a fait, voilà, 11 Grands Prix. Et donc, sur 11 Grands Prix, il a quand même fait ouais, 4 podiums. Et, chose incroyable, à Watkins Glen, donc le dernier Grand Prix de la saison 71, il a la consécration de remporter une victoire. Sa première victoire en F1. Et à ce moment-là, une victoire dont on disait à ce moment-là qu'il en appelle d'autres, beaucoup d'autres. Ah bah oui, c'est sûr, vu la trajectoire, comme tu le disais, la trajectoire rectiligne, Ouais, il me c'est ce que semble je que tu disais, avais ouais. dit, ouais, voilà, Ouais, trajectoire rectiligne. rectiligne qu'il a tout au long de sa carrière, c'est clair que ouais, on peut s'attendre à ça après une victoire comme ça, quatre podiums, c'est fort quand Et même pour sa deuxième saison. une troisième place au championnat du monde. Évidemment, il a aidé grandement l'écurie Tyrrell à remporter le titre par équipe. Enfin, le titre constructeur, je devrais dire. Ouais. Et voilà, il a donc. Là, on se dit, il est bien lancé, et là, il y a vraiment. Voilà, c'est un rapide. 72, en revanche, c'est une année un petit peu moins bien pour l'ami Sever, puisqu'il ne marque que, entre guillemets, 15 points, seulement 2 podiums en 12 Grands Prix. Mais donc, ça veut dire qu'il était quand même bien placé aussi en tant que 4-5-6e, hein, à l'époque, c'est les premiers qui marquent des points. Il finit sixième, un petit peu moins bien. Il reprend du poil de la bête l'année suivante en 73, entre la Tyrrell 005 et la Tyrrell 006. 14 Grands Prix. Donc déjà, on commence à avoir des standards presque actuels. Hein. 14 Grands Prix. 7 podiums. À chaque fois, et je crois Combien de 7, podiums? Excuse-moi. 7 podiums en 14 Grands Prix. Ah ouf. Ah oui, c'est du lourd là, la Et moitié. je crois 3 ou 4 fois derrière Jackie Stewart. Qui était toujours son coéquipier à l'époque? Qui était toujours son coéquipier à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, en 1973, c'est sa dernière année. Alors, tout au long de l'année, ça a été une espèce de secret de polichinelle. Et puis, donc, il a annoncé peu de temps avant le dernier Grand Prix de la saison, donc c'est-à-dire Watkins Glen, que, eh bien, voilà, il s'arrêtait. Donc, évidemment. C'était évidemment pour permettre à son ami et son coéquipier François Sever, voilà, c'était la logique, de prendre la première, enfin la place de pilote numéro 1, et donc ah voilà, de le lancer pleinement vers le titre. Voilà, il avait achevé la formation de son élève, entre guillemets, là il pouvait se retirer, le maître pouvait se retirer sur un troisième titre de champion du monde, ce qui. quand même pas mal et donc voilà c'était tracé comme ça en 73 voilà 7 podiums même à plusieurs reprises Sever aurait pu gagner un ou deux grands prix parce qu'il était plus rapide à ce moment-là mais lui-même hein, lui-même il s'est auto comment dire auto ah Il a aidé Stewart, quoi, en gros, non? voilà C'est il a ça. aidé Stewart en disant bon je l'aide cette année, c'est sa dernière année, puis l'année prochaine, ce sera mon tour en gros. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est ça. C'était prévu comme ça. Et malheureusement, le 6 octobre 1973, Watkins Glen, alors ça c'est l'ironie de ça, eh bien, il y a l'accident fatal. C'était pas dans le Grand Prix, c'était dans les essais du Grand Prix Watkins Glen. Là, il est sorti d'une courbe en S. Et donc malheureusement le destin a fauché plein vol. C'est l'un des plus gros espoirs pour le titre mondial. Hein. On en était là, hein. On n'en était pas à dire il allait gagner des courses ou machin, parce qu'il avait déjà fait. Maintenant, c'était de savoir quand il allait gagner le titre mondial. On en était là, Ouais, concernant François Sever. c'est Et évidemment. vraiment, ouais, c'est vraiment comme tu le dis, ouais, fauché en plein vol là, dans ce cas-là. Ça devait être vraiment un gros drame pour le sport auto français à l'époque, je suppose, un Ah oui, sacré choc, hein. ça l'a été évidemment, ça a été un sacré choc, un choc terrible, hein. Et puis en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, que sa femme était enceinte à ce moment-là aussi. C'était un truc, voilà, tout allait bien, et puis voilà, paf, évidemment, Jackie Stewart a été terrassé évidemment par la nouvelle, évidemment. Il n'a pas participé au Grand Prix, d'ailleurs, Tyrrell s'est retiré par respect. Enfin, par respect, comme l'a fait Marussia avec Jules pour le Grand Prix du Japon. Ouais. Et voilà, et donc ça a été un choc absolument terrible, et non seulement pour le dans le petit monde, dans le monde de la F1, mais aussi dans le pilotage français, et puis partout, quoi. C'était dans le sport automobile, c'était un choc assez terrible. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, Jackie Stewart, quand il parle de pilote français et de pilote français champion du monde, pour lui, ça ne faisait aucun doute que François Sever aurait dû être le premier pilote français champion du monde. Pour lui, ça restera un regret absolument éternel que ça ne se soit pas produit. Même s'il y a eu d'ici là Alain Prost. Mais voilà, pour lui, c'est François Sever. Voilà, c'est le truc. Ça se comprend. Ils ont été longtemps proches l'un de l'autre dans la même écurie, et il y avait ce passage de flambeau assez symbolique qui finalement n'a pas eu lieu. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez choquant. Ouais. Ouais. Alors, en parallèle de sa carrière en F1, il faut savoir que avec Matra, il a participé aux 24 heures du Mans en 72, et il a fini deuxième. Wow. Quand Ah même. oui, quand même. Et pendant un moment, il a quand même détenu le record du tour sur le circuit du Mans. Pendant un long moment. Quand même, voilà, c'est une perf assez redoutable. Et en 1973, en parallèle du championnat du monde de F1, il participa aussi à l'ensemble du championnat du monde des voitures de sport. 6 pole positions. Et mène quasiment toutes les courses avant d'abandonner sur place mécanique. Donc il n'y a vraiment pas eu de bol. Si pole position et quoi ensuite? 6 pole positions. Ouais. Et visiblement, pas de réussite à la fin, parce qu'il y a toujours eu des casses mécaniques qui l'ont empêché de remporter les courses. Pour En tout cas, pour le championnat du monde des voitures de sport. D'accord. Et c'était quoi ce championnat du monde? C'était genre des vo enfin c'était des Alors. voitures tourisme ou des monoplaces? Alors attends, c'est des. Alors voiture de sport, alors c'est assez vague, hein, Oui, c'est comme ça, oui, truc. c'est assez bizarre. C'est très très vague, oui. Ou c'est peut-être, ah, c'est peut-être non, des voitures, genre des voitures de série, mais en mode sport, tu sais. Peut-être bien. C'est vrai qu'il n'y a pas. Il n'y a pas non plus l'écurie qui l'utilise pour ça. C'est assez vague. Bon, c'est pas grave, hein, pire. C'est assez vague. Et aussi, alors il faut savoir aussi qu'il a également couru dans le championnat américain de Can-Am. Le Can-Am. Et comme assez rare aussi pour le signer, quand même, ça, les pilotes français qui s'exportent aux États-Unis, il n'y en a pas eu des masses. Et voilà, il a participé, il a également couru, voilà, dans le championnat Can-Am, et il a remporté une course. En plus, ah oui, d'accord. Et c'est quand même. Voilà. Et en 1973, il a aussi montré de bonnes dispositions dans les. Donc, outre son truc dans les 24 heures du Mans en 72, il a aussi gagné les 6 heures de Vallelunga avec Henri Pescarolo et Gérard Larrousse pour Matra Simca. Et la même année, pour les 1000 km de Zeldegg, il a fait équipe avec son beauf, Jean-Pierre Beltoise, où il a fini deuxième. Eh ben, il a eu des sacrés coéquipiers dans toutes les catégories où il a été, hein. Ouais. Et ça montre également son grand talent, parce que vu les résultats qu'il a obtenus, c'est vrai qu'il était promis un énorme avenir, hein, ce pilote. Voilà. Voilà, ce qui en fait un point commun avec, avec Jules, bien sûr, dont on disait aussi avec sa trajectoire qui était peut-être un peu plus, je vais pas dire plus longue, mais j'ai vu comme c'était parti, lui aussi, hein, sa trajectoire était tracée pour aller vers Ferrari, en gros. Ouais. Et donc, c'était comme Ferrari Academy et tout ça, donc à terme, il devait y aller, quoi. Et malheureusement, dans les deux cas, la fatalité, on va dire, a frappé dans les deux cas. Et c'est vrai que quand j'avais voilà, quand Jules a eu son accident, ça m'a rappelé François Sever par certains côtés aussi. Un D'accord, côté, donc. et aussi pour, voilà, pour l'espoir qu'il suscitait, parce que plus encore que Vergne ou Grosjean, clairement, Jules Bianchi suscitait beaucoup d'espoir. Peut-être pas autant dans les médias que François Sever, mais du moins dans le paddock, c'était le cas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, oui, pour encore une fois, les plus jeunes d'entre vous ou ceux qui ne connaissaient pas vraiment trop l'histoire de la Formule 1et François Sever. Si vous avez vu le film Rush récemment, je pense que une bonne partie d'entre vous l'avez vu. Sinon, allez le voir, je vous le conseille Ah, vraiment. je vous le conseille aussi parce que c'est un excellent film. Très, très bon. Voilà, et donc ça c'était à cette époque. Et si vous regardez, il y a une scène à un moment durant la première saison de James Hunt. Eh bien, à un moment, on voit une scène aux essais de Watkins Glen et la scène du décès, de l'accident mortel de François Sever est utilisée pour bien illustrer le fait que la F1 était un sport très dangereux à l'époque. Avec notamment une image d'archive sur une télé dans une sorte de motorhome, dans le motorhome, je crois, de James Hunt, avec une image d'archive qui relate les derniers morts avant François Sauveur. Le nom de François Sauveur n'est pas utilisé, peut-être par respect d'ailleurs, pour lui, ils ont voulu être un peu discrets à ce niveau-là, mais c'est une référence à lui, ça c'est clair. Oui, tout à fait. Tout Voilà, à donc, fait. concernant François Sauveur, avais-tu d'autres éléments à apporter ou tu veux passer au dernier pilote? On rappelle juste, voilà, donc rapidement son palmarès qui est quand même qui en quatre dans 7 années, en 7 ans de carrière est quand même assez fourni, hein, outre sa victoire en Grand Prix des États-Unis en 71, outre le fait qu'il ait remporté 10 places de deuxième en F1. C'est quand même une belle preuve de, comment dire, De talent, de régularité. voilà, de régularité et de talent. Voilà, j'ai dit le volant Shell en 66, champion de France en 68 de F3, troisième du championnat d'Europe de F2. Il remporte les 1000 km de Paris à Jack Brabham en 70. Encore Brabham, quand même. une course d'endurance, encore avec un coéquipier prestigieux. Voilà. Ensuite, voilà, 2 victoires dans le championnat d'Europe de Formule 2 en 71 à Hockenheim et à Nürburgring à Leichtfelden. Ouais, je le dis en allemand, hein, c'est Leichtfelden. D'accord. Donc c'est pas le Nordschleiß, hein, donc c'est l'autre. Ok. C'est celui qu'on Tout connaît à ou fait. c'est encore un autre? Enfin, ça doit être encore un autre. C'est pas le plus récent qu'on connaît. Est-ce qu'il avait déjà été utilisé ou est-ce que c'est une version un peu plus courte? Je ne sais pas. Ah, d'accord. En fait, c'est Leichtfelden. En fait, c'est le Nürburgring qui est composé de deux boucles, enfin des deux boucles nord et sud. Ce qui fait que le circuit, au lieu de faire 22 km, il en fait 28. C'est parfait. Il n'était pas assez long comme ça, il faut croire. Voilà. Et Aïe, donc, c'est une aïe. course quand même qui date des années 20, hein, Leichtfelden. Donc c'est quand D'accord. même c'est-à-dire c'est une course qui est assez célèbre. Et je sais pas si vous imaginez le truc quand même, hein, 28 km. Le truc quand C'est même assez énorme. incroyable. Donc, il y a quand même des pilotes prestigieux qui se sont imposés dans cette course, hein, en 55, Jocifer en 61, un autre pilote malheureusement fauché en fin de gloire, Jim Clark en 64, Jochenrindt en 66, 67 et 70. Et aussi j'en parlerai de Jochenrindt, hein, parce que c'est bah, le seul pilote qui a été champion du monde en étant mort, hein, de manière posthume. C'est quand même assez... voilà, c'est mérite qu'on en parle de lui. Donc François Seurat en 71, Jacques Lafitte en 75, Jochen Mass en 77 et en 72, Thierry Boutsen en 80 et 82, donc c'est que des courses de F2 hein, la plupart du temps. Hein. Et après, à partir de 86, c'est plutôt le DTM qui a repris le dessus. Il faut savoir que un certain Laurent Aiello a gagné deux courses DTM sur ce FL Rennen. D'accord, ah oui, ça m'évoque quelque chose, Laurent Aiello, en effet. Ouais. En 2001 et en 97. Alors, c'était pas les mêmes courses. La première, c'était c'était le SW Rennen avec une Peugeot. En 2001, c'était sur une Audi, donc sur le DT, en DTM. Alors, est-ce que c'est ce Nürburgring qu'on connaît? Si c'est encore la version nord et sud qui est utilisée. Je sais que dans les années 70-80, c'était encore le cas. Parce qu'à l'époque, voilà, le Nürburgring, déjà, les 22 km étaient utilisés comme Grand Prix d'Allemagne hein, jusqu'en 76. Et on sait pourquoi. Oui. Voilà, ça, c'est on sait sûr. Pourquoi. Et, mais est-ce qu'après, il a été encore utilisé pour la F2? Est-ce que dans les années 80-90, c'est encore ce circuit-là qui est utilisé? Ah, ben après, il y a le Nordschleife, il a encore. Il a été utilisé. Cette année, pour le WTCC, si je ne me trompe pas, même peut-être l'année dernière, je ne sais plus. Cette année, d'accord. C'est sûr. Mais d'ailleurs, ça me surprenait parce que je me disais, ouais, le Nordschleife, mais ils sont fous. Comment ils sécurisent ça? C'est clair. Eh bien, oui. Pourtant, oui, il utilise bien le Nordschleife encore. D'accord. Donc ouais, c'est peut-être pas impossible. Hein. Peut-être que c'est des parce que justement, comme ça va moins vite, que c'est peut-être du coup plus adapté. C'est vrai que les F1 en 76, quand tu fais le tour en 7 minutes, ça va très vite. Hein. Ouais, je crois que le WTCC, ils le font en. Ouais, de mémoire, je crois que j'ai vu 8 ou 9. Mais... Ouais, c'est à peu près les F1 des années 60, quand, ouais, 60-70. Près 8 minutes. Mais dans un contexte beaucoup plus sécurisé quoi. Ouais, maintenant. Ouais. Donc voilà, c'est voilà, le mec il a ouais, c'est vous dire si ce mec là, il en a des énormes hein. Quand tu te fais la course de Leifel Rennen. C'est, voilà, tu gagnes cette victoire-là, ça te pose un pilote. Voilà, puis après, j'ai parlé de sa course de Can-Am. Voilà, sur une McLaren. Sur une McLaren Chevrolet. N'hésite pas. Il avait fait 4 podiums, dont une 3e place à Watkins Glen. Hein, décidément, ce circuit est décidément attaché à l'histoire de François Sever. 2e à Road America. 3e à Laguna Seca. Laguna Seca, c'est une référence hein, du sport américain. Et donc, victoire à Donnybrook en Can-Am. Et victoire de Français aux États-Unis. Je vais vous dire que ça avant Bourdais, il n'y en a pas eu des masses. Hein. C'est sûr, oui. Donc, c'était, voilà, c'était assez fort. En conclusion, François Sever, d'ailleurs, il y a aussi. D'ailleurs, c'est Johnny Reeves. Il y a un bouquin qui, là, je fais un petit peu de pub hein, parce que par Jacqueline Sever-Beltoise et Johnny Reeves. Donc Johnny Reeves, qui est quand même un spécialiste, qui est reconnu en expertise de la F1, ancien commentateur de F1 dans les années 90 avec Jean-Louis Moncet. Eh bien, il a fait un bouquin sur François Sever, pilote de légende. Autodrome Édition qui est sorti en 2013. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur ce pilote exceptionnel. D'accord, eh ben, très intéressant en tout cas. François Sever, un très grand pilote, malheureusement parti trop tôt, comme tous les pilotes dont tu nous parles aujourd'hui. Et Oui. donc, quel sera le quatrième et dernier pilote dont tu vas nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de Patrick Depailler. Patrick Depailler, oui, tu l'avais dit tout à l'heure. Eh bien, nous allons en parler, ou plutôt tu vas nous en parler plus précisément, après une petite pause musical, à tout de suite. Yeah. On est de retour dans Analyse F1 et Rétro F1 pour parler des pilotes français qui malheureusement sont partis trop tôt, un peu comme Jules Bianchi du coup, histoire de lier les choses à cette malheureuse actualité. Et donc nous avons déjà parlé de Jean Béra, Joe Schlesser et François Sever. Et là nous allons donc parler de Patrick Depailler si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc Patrick Depailler, on en a un petit peu parlé avec François Sever, puisque il a démarré à peu près au même moment, lui, c'est 1966. Donc cette fameuse course dont j'ai oublié le nom, que j'ai évoqué tout à l'heure, le alors c'était quoi? Le Volanchel. Volanchel a des 18 à 28 ans. Voilà, le Volanchel où il a terminé deuxième derrière François Sever. Et une petite parenthèse d'ailleurs, c'est une course pour jeunes dont Max Verstappen n'aurait pas pu prendre part. Oui, tout à fait. C'est ça qui est fou. Et je crois que c'est encore. Attends, j'avais fait le truc sur le Volanchel qui est devenu après, a changé de nom par la suite. Je fais une petite digression par rapport à ça. Ouais. Mais ensuite, c'est devenu le volant elf. C'est devenu la course elf. Ça a changé Et de sponsor de pétrolier. voilà, c'est ça. C'est devenu après le pilote elf, après le volant elf. Jusqu'en 1993. D'ailleurs, pour la petite histoire, en 1992, un certain Anthony Beltoise a remporté le volant elf. Anthony D'accord. Beltoise, le fils, je crois, de Jean-Pierre. Oui, on avait vérifié cette information lors du, comment dire, Du précédent cast, oui, du c'est vrai. précédent podcast et du coup. Je vous invite à vous en référer une nouvelle fois pour justement, on avait un peu parlé de l'héritage beltoise et ben c'est sa descendance en fait partie, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et donc, pour en revenir à notre Patrick Depailler, il faut savoir qu'il est né à Clermont-Ferrand, qui est donc, outre l'endroit où a eu le circuit de Charade, qui a été, son temps, course de F1. C'est ma patrie, Cocorico. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est petite allusion, hein. Voilà, comme ça, hop. Ça c'est Voilà, voilà, c'est c'est fait. gratuit. C'est gratuit, hein, c'est parfait, c'est parfait. Et donc, il a donc très tôt évidemment, il a participé à une carrière automobile dès les années 60, les quelques courses, comme souvent. En ce qui concerne les pilotes, ils sont partis par la F3. Et donc le championnat de France de F3, en ce qui concerne Patrick Depailler, eh bien il va le gagner en remportant quand même 5 épreuves dans la saison, qui est quand même pas mal. Et puis aussi, après je crois qu'il est allé en F2, hein, si j'ai pas de conneries. C'est ça, il a fait. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il a démarré chez lui, hein, en 64, hein, vite en passant, hein, course de F2 sur le circuit de Charade. Donc voilà, il a démarré chez lui. Il y a le résultat, tu as le résultat de cette Ah course. bah attends, 1964, oui c'est ça, trophée de 1964, donc sur le circuit de Charade, remporté par Denny Hulme, futur champion du monde, devant Jackie Stewart et Jochen Rindt, futur champion du monde, Oula, ah oui, quand même, il y avait du lourd. Y avait Joe Schlesser d'ailleurs qui ne finira pas la course, mais je vois pas Depailler, donc je me suis peut-être trompé d'année, parce que c'est bien 64. Peut-être qu'il a participé aux qualifications, mais qu'il ne s'est pas qualifié, donc pour expliquer son absence dans le classement, parce que dans les pilotes français, il y a José Rosinski, il y a Jean Vinatier, Jacques Maglia, il y a Joe Schlesser, donc, et Robert Boutarde, mais point de. Ah ben oui, peut-être une participation au qualif et aux essais et pas de course. Ce qui se faisait souvent à l'époque, hein. Par exemple, Joe Schlesser a participé comme ça à deux, trois, enfin, a participé à deux, trois Grands Prix comme ça en tant que pour les essais et sans avoir piloté en tant que dans la course, D'accord, par ben exemple. ça renforce cette thèse du coup. Donc voilà, donc il a même s'il a quand même démarré, voilà. Et puis bon après il a quand même participé, donc voilà. a démarré là. Donc ensuite, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, la F3, est-ce qu'il avait fait la F2? Non, parce que directement, il est allé en F1 après son titre et son Grand Prix de Monaco de F3. D'accord. Dès 1972, donc Pirelli. Et ça, c'est pas... Et ça... En 1973, malheureusement, vous savez pourquoi. Également grâce au soutien financier d'Elf, hein, qui fournissait beaucoup de pilotes français. Et donc, il était en tant que troisième pilote en 72. Donc, il a côtoyé Jackie Stewart pendant un moment et Brossever. Malheureusement, on sait que Brossever est parti. Donc, du coup, il est devenu, on va dire, pilote numéro 2, on va dire 1,5, on va dire. Donc, il est titularisé dès 73 pour remplacer Sever. D'accord. Donc, encore une fois, filiation. J'avoue que j'ai quand même bien assuré là-dessus. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Mais du coup, ah oui, le Grand Prix de Watkins Glen en 73, c'était pas le dernier de la saison, du coup. Si, c'était le dernier de la saison. Mais je pense qu'il a fait le Grand Prix juste avant aussi. Voilà. Il a fait son premier Grand Prix, c'est le Grand Prix de France 1972. D'accord. Donc ça se passait où? Ce serait rigolo, c'est que ce soit à Charade. Je crois pas, je crois et qu'à oui, l'époque. C'est à Charade. Ah si! Oh là là, en 72! Et ben, si, c'est à Charade. Oh, ça devait être un des, derniers. Parce que... Sûrement, ah ouais. Ouais, je crois que c'était le dernier, hein, si je dis pas de conneries. En plus, ah oui. On lui a offert un beau cadeau, hein, franchement, de la part de Tyrell. C'est sympa. Bon, je pense qu'en 72, on savait pas que ça allait être le dernier Grand Prix à Charade, parce que juste après, il y a eu le. Après, ça allait être à Dijon, le Castellet. Après, ça allait être les deux qui allaient se tirer la bourre pour le Grand Prix en alternance. Effectivement, Charade en 72, c'était la dernière fois. Pour la petite histoire, donc, Jackie Stewart gagne la course, derrière son rival de l'époque, Fittipaldi. Chris Amon finit troisième. Et qu'a fait notre ami de Paillet, en l'occurrence. 72, donc déjà François Sever finit quatrième. Alors, si tu le vois pas encore dans le classement, c'est qu'il était dans le public. Hein. En fait, il assiste à la course, voilà, comme ça, régional. Alors, il y a ceux qui ne participent pas, donc il y a Henri Pesciarolo qui ne participe pas à la course sur un accident. Et Patrick Depailler, non crédité. C'est quoi NC? Non. C'est quoi NC? C'est pas non crédité, genre. Ben, je crois bien que malheureusement il a pas fait la course. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais, bah pourtant il a fait 33 tours. Ah oui, non classé, pardon. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Il a fait 33 tours des 38 à 5 tours de l'arrivée, donc il a abandonné. On sait pas pourquoi. Y a pas de raison. Je sais pas, il a dû s'arrêter 5 tours et puis il est reparti. C'est assez bizarre. Alors peut-être justement que. Peut-être qu'ils avaient pas l'information sur le site et que c'était peut-être une casse mécanique ou une sortie de piste, on sait pas. Ou alors, attends, on a le résumé du Grand Prix. Alors, que s'est-il passé? Il y a eu 38 tours, non, c'est ça, hein, c'est bien. Il y a bien eu 38 tours, donc c'est ça. Et ouais, donc il y a eu 5 tours où il n'était pas allé, du coup, il n'a pas été classé. Et c'est son premier Grand Prix. Donc, il est quand même crédité du premier Grand Prix, mais il n'est pas classé. Voilà. D'accord. Voilà, et puis donc après, à mon avis, il a été là à Watkins Glen. Alors, tant qu'on y est, on va voir justement. Ouais, 72 hein, déjà. Hein. On est Grand Prix en 72. C'est vrai. Même. Le 73, mais effectivement, à dire que là, c'était peut-être pas de manière officielle. Enfin, je dis ça, c'était pas de manière officielle dans le sens où. Il n'y avait pas, on va dire, de contrat fixe à ce moment-là. C'est peut-être une course histoire de, voilà, pour le comme par exemple les pilotes japonais faisaient le Grand Prix de comment dire du Japon. Fuji. Voilà, du Japon. Fuji. Il y avait, je crois, deux ou trois Japonais qui étaient qui participaient à cette course. C'était leur seule course. Voilà, mais c'était histoire de montrer et faire acte de présence. Et peut-être passé avec Patrick Depailler, qui était déjà chez Tyrell à ce moment-là. Peut-être que c'était, voilà, comme tu as dit, un cadeau, le régional de l'État, entre guillemets. Parce qu'il y avait quand même du beau monde ce jour-là. Hein, ouais, fin, chez les Français, il y avait donc Beltoise, il y avait Sever. Donc, il y avait aussi Pesciarolo, bon, même qui ne part pas. Lui, Lui, c'est carrément, il a eu un accident avant, donc il n'est pas parti. Et pour la petite histoire, en 72, il y a un pilote Marche qui a fait 4 tours et qui a eu des problèmes de transmission. C'est un certain Niki Lauda en 72. Je te souviens Niki sûrement. Lauda était à Charade. Et oui, il a joué à Charade, il a fait 4 tours. Il y a eu un problème de transmission, un pas de bol. Mais il était là à Charade. Franchement, je fais un appel à l'auditoire, à vous auditeurs. Si vous êtes du coin de l'Auvergne et que vous avez eu la chance de voir Niki Lauda à Charade, En 72. contactez-moi tout de suite, en 72 évidemment. Pas autour d'un verre dans un bar, parce qu'il passait dans le coin avec James Hunt. Non, ça ne compte pas. Ça m'étonnerait qu'il passe dans un bar à Clermont avec James Hunt. Mais bon. Bref, Surtout que ouais. maintenant, Jameson, il a un mot d'excuse. Oui, non. Mais pas maintenant, mais avant, ouais. Ouais, Mais avant. ouais, si vous avez Tout eu à cette fait. chance de le voir à Charade, même pour 4 tours ou quoi, n'hésitez pas, ou pour les qualifs et tout, D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. pour la petite toujours là, il y avait Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Chris Sammon, Ronnie Peterson, Denny Hulme, Graham Hill, Jack Voilà. Hicks, Carlos Ruttmann. Et donc Jean-Pierre Beltoise, Patrick Depailler qui était à ses tout débuts, qui a quand même fait 33 tours, hein. Il a quand même fait mieux que Niki Lauda hein, ce jour-là. Ça n'a pas toujours été le cas, mais au moins ce jour-là, il a fait mieux. Et puis donc Niki Lauda qui était, je crois, sa première année de F1 à l'époque, hein, Oui, pour c'était sa ce première Grand année. Prix-là. Donc 8 km, hein, Charade, tous les 30 tours. D'accord. Et donc on est en 73, première année de F1, et sa première année, il fait, en termes de bilan, sa première année en F1, en bilan, c'est 15 courses, il a marqué 14 points, ce qui est même sympathique. Ah oui. 74, ah 73, il n'y a pas, en fait. 73, oui, non, en même temps, 73, il n'y avait que Stewart comment dire, et Et Sauber. Sauber, ouais. Donc c'est en 74, ouais, Voilà, qu'il marque les 74. 14 points, d'accord. Voilà. Ce qui est tout de même un total assez respectable. Et oui, parce qu'on le rappelle, hein, tu l'avais bien dit tout à l'heure, mais il n'y a que les 6 premiers qui ont des points. Et Oui. donc 14 points sur combien de Grand Prix? 14, je crois, tu m'avais dit. À peu Ouais, près 15. 15 Grands Prix, ah oui, on augmente encore un peu plus. Sur 15 Grands Prix, 14 points, c'est pas mal. Ça fait une moyenne de 1 point par course environ, donc c'est très bien. Ouais. Alors, dans le détail, Patrick Depailler qui fait 6e en Argentine, voilà, un point. Marque 3 points, ZAF, c'est l'Afrique du Sud. Donc, 3 points, à l'époque, c'était 4e. Une deuxième place, un premier podium en Suède. Alors qu'il fait son 7e Grand Prix quand même. Hein. C'est tout de même, dès sa première année, il fait un podium. Pas mal. Et ensuite, aux Pays-Bas, il fait 6e. Au Canada, un après, donc il fait 5e et il termine sur une 6e place à Watkins Glen. Donc, c'est une première année qui est déjà prometteuse, hein, sachant qu'il fait équipe avec qui? Avec Jody Scheckter, futur champion du monde. D'accord, ah oui, carrément. À ce moment-là, donc c'est à l'époque, c'était un pilote, on va dire, réputé rude, un rude gaillard, dit Scheckter, le Sud-Africain. Mais c'était l'époque où les pilotes avaient énormément de tempérament pour beaucoup, donc c'était pas triste à l'époque, la F1. Ah oui, dans les années 70, c'était vraiment des guerriers, des héros même, en Et pour la petite leur temps. histoire, c'est le premier Français. De cette année, il y avait trois Français. Il y avait Jean-Pierre Beltoise en 74 et il y avait Jean-Pierre Jarier. Lui aussi, on reparlera de Jean-Pierre Jarier, même s'il n'est pas mort, mais on reparlera de cet homme qui est l'un des plus grands malchanceux de l'histoire de la F1. Parce qu'il aurait dû gagner au moins une ou deux courses, mais il n'a jamais eu de chance, alors qu'il en a mené énormément. Il en a mené pas mal et il a vraiment pas eu de bol dans sa carrière, Jean-Pierre Jarier, mais c'est un bon pilote. D'accord. Et du coup, ouais, Patrick Depailler, première saison complète, être sixième, tu m'as dit? 9e Neuvième du championnat du monde, du ouais, avec championnat. 14 points, et Ouais. premier des trois Français, alors qu'il y avait Beltoise quand même dans le lot. C'est pas mal avec un podium. Il s'est bien montré, quoi. C'est intéressant. Ouais. Donc sa seconde année, c'est en 1975 avec cette fois le châssis 007. James Bond. Il fallait la faire, celle-là, c'est l'imbloquable, j'ai envie de dire. Donc à 007, ouais, il marque quasiment autant de points, il marque 12 points en 14 Grands Prix. En 75, donc. Dans le détail, ça donne quoi? Ça donne. L'ami, donc il finit également 9e. Il commence en Argentine par une 5e place. Ensuite, il fait 4e en Afrique du Sud. Ses premiers points à Monaco. Une 5e place. Podium, pardon. Podium en Afrique du Sud. Le point, c'est un podium. Appelons-le. Ensuite, en Belgique, il fait 4e. Et il termine au Grand Prix de France en marquant un petit point. Donc ça fait 12 points. Donc c'est régulier. Hein. C'est régulier. Et par rapport à son coéquipier, ça donne quoi la comparaison? Alors, là, Tyrrell. Donc il était chez Tyrrell à l'époque. Est-ce que c'est encore Jody Scheckter? Oui, je pense. Il était encore chez Tyrrell à l'époque. Alors chez Tyrrell, on avait le tout jeune Jean-Pierre Jabouille. Et oui, le tout jeune Jean-Pierre Jabouille, français. Qui marquera 0 points dans la saison. Nous avons Michel Leclerc qui est inconnu au bataillon. C'est souvent ça, parfois les coéquipiers, il y a des gens qui ne font que passer. Et donc il y avait toujours Jody Scheckter. Bon là par contre la comparaison elle est beaucoup moins, on va dire. Jody Scheckter, voilà. Et Yann Scheckter aussi, il y avait le frangin, c'est assez drôle. Bon, lui, il fait que passer aussi. Hein. Mais Jody Scheckter, on va dire, la comparaison est un petit peu moins à son avantage. Parce que Jody Scheckter gagnera, je crois, un Grand Prix en Afrique du Sud. Ah, quand même, beau Grand Prix pour Tyrrell. Hein. Ah oui, double podium. Eh oui, double podium sur ce coup-là. Et victoire à domicile de leur pilote de Jody Scheckter. Numéro 1, du coup. Ouais, du coup, ouais. Ouais, parce que c'était lui le pilote numéro 1, bien sûr. Jody Scheckter. Et puis bon, voilà, c'est globalement c'est illogique. Il a marqué 8 points de plus que son partenaire en ne scorant que 4 fois. Ah et oui, quand même, ça montre le talent d'un pilote. Hein. Parce qu'ensuite, il fait une seconde place en Belgique, derrière l'intouchable Lauda. Il fait un autre podium en Grande-Bretagne, donc est-ce que c'est Brands Hatch ou est-ce que c'est Silverstone? The questions. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi une espèce de rivalité entre les circuits. Oui, voilà, tout à fait. Et donc c'était à Silverstone. Donc, voilà. Silverstone. Et donc il finit troisième et il termine la saison avec une sixième place. Lors du dernier Grand Prix, donc aux USA, donc 20 points, alors que Depailly en a mis 12, et pourtant il a scoré une fois, deux, trois, quatre, à 5 Grands Prix. Donc Depailly, ce qu'on peut voir, c'est que Depailly est souvent placé, mais il manque encore un petit truc qui s'installe en haut. Alors que Scheckter, lui, il score 4 fois, 3 podiums. Ouais, c'est peut-être la différence qu'on peut voir des fois entre les bons pilotes, parce que Depailler, voilà, c'est un bon pilote, et les pilotes d'exception qui peuvent aller encore plus haut, quoi. D'ailleurs, Scheckter, je crois, oui, continue chez Tyrrell l'année suivante avec Depailler. Cette fois, grosse année en 76 pour les Tyrrell. Ouais. Parce que, très grosse année, parce que non seulement il y a la 007 qui fait une bonne performance à ce moment-là, et surtout, cette fameuse P34. Cette P34, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est la fameuse Tyrrell à 6 roues. Et la fameuse Tyrrell à 6 roues. Donc pour faire simple, bah, en gros, il y avait deux petites roues je sais plus combien de pouces à l'époque c'était. C'est du 13 pouces pour les grosses, pour les deux derrière, et je crois que c'est les 9 pouces pour les ceux de devant. Et c'est 4 roues directrices. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me souviens d'un documentaire qui revenait sur la saison, sur MotorStP, les documentaires qui revenaient justement sur la saison 76, et au moment de la sortie de cette voiture de la P34, bien Patrick Depailler lui-même expliquer un petit peu les spécificités de cette voiture. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que je ne retrouve pas l'archive et je ne me souviens plus trop de ce qu'il avait dit, mais en gros, qu'il y avait en ligne droite, c'était qu'il y avait un petit peu meilleur, qu'il y avait une meilleure tenue de route dans les virages. Comme il dit, on n'est pas au niveau d'une Ferrari, mais on l'espère, hein. Mais voilà, ça avait apporté son petit lot. Et que ce soit Scheckter et De Payet, ils feront une très belle saison, car Scheckter finira troisième de la saison avec 49 points, et Patrick De Payet marquera 39 points. Ah, il se rapproche, oui. Quasiment le double de points de l'année précédente. Parce que c'est vrai que 76 est marqué par la rivalité entre Hunt et Lauda, mais Scheckter et De Payet étaient en embuscade. Et même Regazzoni était en embuscade aussi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que trois pilotes qui pouvaient gagner. Il y en avait au moins 5 ou 6, 4, 5, 6 facilement. Hein. Parce que les D'accord. voitures étaient moins. Même les écuries de pointe, les voitures étaient moins. Comment dire Moins fiable. Moins fiables, tout à fait. Et donc, même une Ferrari ou une McLaren de l'époque pouvait avoir des problèmes, même si le Ford Cosworth, au niveau de ce côté-là, était très fiable, bien sûr. Pendant de très longues années, il a été utilisé comme moteur principal de F1. Si vous imaginez quand même pendant longtemps, la plupart des écuries, il y avait un moteur unique, c'était le Ford Cosworth. Et encore aujourd'hui, je crois qu'il est utilisé. Ou en tout cas, l'année dernière, c'est encore le cas. En F1? Avant le retour des turbos, je crois que c'était le Cosworth avait été utilisé il n'y a pas si longtemps encore. Ouais, il y avait Plus c'est Mac. Marussia Cosworth à un moment. Ouais, donc et Ou ce Ford. Virgin Cosworth, je me souviens plus. Mais Ouais, un truc comme ça, ouais. en tout cas, Marussia a utilisé le Cosworth, que ce soit dans sa vie sous Virgin ou sous Marussia. Ça, c'est sûr. Et C'était peut-être ouais. en 2012 ou 2013. C'est dire si ce moteur qui a quand même été fait en 67 a montré tout son. Même s'il ne peut pas rivaliser avec les moteurs d'aujourd'hui, enfin, c'est pas non plus le moteur de 67, hein, je suis pas en train de dire ça, mais. Il montre quand même que ce moteur Ford Cosworth, cet alliage-là, est aussi performant, quoi. Incroyable. Une telle Oui, à homogénéité. l'époque, Ford Cosworth, c'était quand même assez réputé. Maintenant, Cosworth tout court, depuis les années, fin des années, enfin, depuis les années 90, 2000, 2010, c'est vrai que ça a largement perdu de sa superbe. Oui, tout à fait. Donc, dans le détail, Patrick De Payet, il commence direct par un podium à une deuxième place au Brésil, derrière Lauda. Et je rappelle, en début de saison, Lauda, il est intouchable. Hein. Et en 76, on se dit qu'il est parti pour nous faire la même qu'en 75. Hein. Et Hunt a eu du mal à trouver la carburation, hein, que ce soit il abandonne, enfin, il marque pas de points sur 1, 2, 3, 4 Grands Prix sur les 8 premiers, quoi. Ouais, c'est vrai. Et en plus, il y a eu des petits imbroglios à un moment donné. Je crois, je sais plus où c'est en Belgique, je sais plus quel Grand Prix c'était, où il gagne la course. Et à un moment donné, la victoire lui est retirée. Puis, pour une raison, je me rappelle plus si c'est un poids non conforme ou un bris de C'est un aileron, un un aileron, c'est aileron ça. trop long, trop large, enfin, il y a une Voilà. sorte de Mais réglementation. C'est en un truc. Espagne. Ah oui, c'est ça, en Espagne, c'est ça, tout à fait. Et en plus, c'était au début de saison. Et puis aussi, voilà, il y a eu cet imbroglio-là, donc voilà, il gagne. La victoire lui est retirée, donc ça fait encore des points pour Lauda. Il y a eu aussi un Grand Prix similaire, enfin, il y a eu une histoire similaire dans un autre Grand Prix, un peu plus tard dans la saison, où là, c'était l'inverse. Et au final, la victoire lui est remise vraiment à 3 courses de la fin, donc du coup, c'était un bordel sans nom cette saison 76. Pas que à cause évidemment de l'accident de Niki Lauda. C'était une drôle de saison quand même. Hein. C'est un truc. C'est un drôle de saison. C'est sûr. Et donc ensuite, De Payet, il marque pour les États-Unis Ouest, donc c'est Long Beach. Ouest, de toute façon, il fait Grand Prix des États-Unis Ouest, c'est Long Beach. Donc, même sans regarder, hein, bon, je peux vérifier pour la forme, hein, mais. Je suis assez sûr de moi sur ce coup-là. Grand Prix des États-Unis West 1976, c'est bien Long Beach, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Donc il finit troisième, derrière Regazzoni et Lauda. Donc un double Ferrari. Ensuite, l'ami de Paillet continue avec une autre podium à Monaco, une troisième place. Et toujours, quand tu fais podium à Monaco, c'est toujours une belle perf, hein, quoi qu'il arrive. Il enchaîne trois podiums d'affilée quand même, Monaco, Suède et France. Alors tiens, pour la petite histoire, Grand Prix de France, Dijon, Castellet. Dijon, Castellet, moi je dirais Dijon en 76. Bah allez, je dis Castellet. Ah, c'est le Castellet, le Castellet. J'ai bien Bon, piffé. ceci dit, les deux circuits sont très bien. Moi, je kiffe. Ouais, t'as bien piffé, ouais. Bah ouais, c'est le pif gagnant. C'était, de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Hein. Il y a pas de souci. Hein. Dans les années 70, il y a Castellet, Dijon, Prenois. Et je kiffe ce circuit de Dijon-Prenois qui était court, mais les courses sont toujours intenses là-bas. Je vous rappelle quand même que la plus belle bataille de l'histoire de la F1 a eu lieu sur ce circuit. C'est avec Gilles Villeneuve, non? Villeneuve-Arnoux en 79. Ah oui, elle est connue celle-ci. Ouais. Voilà, c'est l'une des plus belles batailles, c'était sur ce circuit. Et franchement, voilà. Rien que pour ça, ce circuit est dans la légende. Et aussi parce qu'il était très court, tu faisais le tour en moins d'une minute. Hein. C'était la frise. Un tourniquet. Un vrai tourniquet, ouais, tout à fait. Et donc, voilà, Grand Prix de France, tu fais quand même un podium, c'est bien. Ensuite, il continue à marquer des. Alors, il traverse une période creuse entre le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix de Pays-Bas. Et il renoue avec les points en Italie. Pour le grand retour de Niki Lauda, rappelez-vous. Bah, là, pour le coup, pour ceux qui ont vu Rush, bah, vous avez toute l'histoire, hein, de 76, notamment. Ce qui était absolument incroyable. 3 mois après son accident, c'est incroyable de le voir à nouveau piloter en course alors qu'il était encore sous l'effet de. Enfin, il avait encore ses stigmates, il les a toujours aujourd'hui, hein, mais il était encore très frais à l'époque. Ça montre la volonté de ce mec à vouloir à conserver son titre, hein, de champion du monde parce qu'il voyait James Hunt revenir à grands pas. Hein, il a quand même aligné le Grand Prix d'Allemagne. Donc il a gagné le Grand Prix d'Allemagne hein, au Nürburgring, James Hunt. Dernier vainqueur de l'histoire du Nürburgring, Nordschleife, en F1. Et oui, puisqu'il ne sera plus utilisé suite à L'accident de l'accident de Lauda. Lauda. Et c'est vrai qu'on a un peu oublié ça. Parce qu'on. Malheureusement, ce 1er août de 76, Niki Lauda est quand même passé tout près de la mort. Et du coup, bah forcément, ça a marqué tellement ce Grand Prix qu'on a oublié que James Hunt a remporté cette course devant C'est Judy vrai. Scheckter. Parce que la course a continué malgré tout. Et même après l'accident, la course a été interrompue, mais il y a eu un redépart. Il y a eu un deuxième départ. La course est repartie et c'est terminé quand même. Oui. Et donc derrière, Hunt gagne. Aux Pays-Bas, il gagne au Canada, il gagne aux USA à l'Est, c'est Watkins Glen encore, toujours. Et donc là, ils étaient revenus à un point. Ils étaient revenus à un point. Donc Lauda, et Lauda, ce qui fait ce qui est extraordinaire, c'est qu'il finit cinquième. Alors qu'il est vraiment très prudent, il veut pas prendre trop de risques, évidemment. Déjà que c'est pas un mec qui est réputé pour prendre des risques dans sa carrière, mais là. Encore moins, et ça va se voir après, et ça va se voir après au Japon, hein. Parce qu'au bout de 2 tours, bah, il a dit stop, hein, c'est bon, il pleut trop, c'est trop dangereux, je peux pas, ah non, je peux faire limite perdre un titre, mais au moins je suis vivant, quoi. Oui. voilà. Et donc voilà, et en ce qui concerne De Payet, donc il a fait deuxième au Canada et deuxième au Japon. On l'a oublié, mais De Payet a fini deuxième au Japon. Et une très belle saison hein, du pilote français. Une très belle saison. Et Scheckter, lui, il a été plus régulier hein, parce que l'année précédente. Hein, rappelez-vous, hein, 4 à 5. En termes de scoring, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Grands Prix où il a scoré Scheckter. De Payet, pardon. Scheckter, lui, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, pour le coup, Scheckter a montré qu'il était plus fort. Mais l'écart n'est pas non plus énorme. Hein, 10 points. Hein. C'est pas énorme, hein. a fait quand même que Tyrrell a quand même fini troisième des constructeurs derrière McLaren et Ferrari. Les premiers des autres, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Et à 3 points, ça s'est joué à rien. On va dire qu'il y a eu ces 3 écuries et puis derrière il y a eu Lotus. C'est quand même formidable. Hein. Les pauvres Lotus quand même qui étaient dans les années 70, le titre de 72 de Fittipaldi et puis derrière il y a eu une baisse en plein milieu. Bon, ils reviendront, hein, Lotus. Hein. On vous rassure. On vous rassure avec la Lotus 79 avec, non, avec comment il s'appelle pas Adrian Newey parce qu'il n'était pas encore en F1 à l'époque, mais à l'époque c'était. Est-ce que c'était. Ah, concepteur. C'est Gordon. Non, Gordon Murray, c'était Brabham. Et pareil, il y avait un mec qui avait qui est à l'origine de la Lotus 79. Et ah, c'était le Adrian Newey de l'époque, hein, pour vous situer. Et il a eu un méga coup de génie sur cette voiture à effet de sol en 70. Donc en 77, l'ami Scheckter, toujours, qui est passé chez Wolf. Alors que je crois que donc 77, il est toujours chez Tyrrell hein, à l'époque de l'ami de Payet. Donc il avait qui comme écurie, comme équipier? Parce que du coup, Scheckter passe chez Wolf. Donc Wolf, qui est très connu aux USA. Le monsieur Wolf, plus comment il s'appelle le Wolf, mais voilà, c'est il fait beaucoup de courses, il a fait beaucoup de courses américaines, c'est comme Penske et compagnie, hein, Ah oui, c'est ce genre. d'accord. D'ailleurs, Penske qui s'est essayé en F1 en 77, hein, au passage, à ce moment-là. Aujourd'hui, on Ah ouais. parle de la team Penske qui fournit pour ceux qui suivent l'IndyCar, hein, c'est la grosse écurie où il y a Pagenaud, Montoya. Castroneves Will Power. et Will Power, le champion en titre. Donc ces quatre-là. Et puis donc voilà, c'est la grosse écurie. Bien, ce mec-là, il a tenté sa chance en F1 à une époque, Penske. Et il avait notamment, il avait quand même des. Qu'est-ce qu'il avait comme comme truc? Il avait. La Tyrrell, il y avait un Jap qui s'appelait Kunimitsu Takahashi. Qui a quand même fait 9e. Hein. Quand on sait que les Japonais qui ont réussi en F1, il n'y en a pas eu des masses. Il y a eu Takuma Sato et, il y a eu, et puis il y en a eu Nakajima dans les années 90, je crois. Et on peut Ou un citer autre. Kobayashi aussi, plus Et récemment. Kamui Kobayashi, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc il y a eu 3 d'ailleurs. Takuma Sato qui est en IndyCar. Hein, à ce propos, beaucoup d'anciens pilotes de F1 qui sont en IndyCar. Franchement, c'est assez passionnant à regarder. Hein, parce que là, pour le coup, dans le genre, le nombre de pilotes qui peuvent gagner, parce que outre Penske, il y a aussi de bonnes écuries à côté qui sont proches de gagner à chaque fois et y en a, ils gagnent. Hein. Il y a eu 8 grands, 8, 7 ou 8 vainqueurs différents depuis le début de la saison, c'est assez impressionnant. Donc là, je meuble hein, pour les trucs. Alors, on a Patrick de Payet, en plus, c'est facile à. Ronnie Peterson, ah bah oui, quand même. Ronnie Peterson. Un pilote il mérite également. Ouais. Et donc, Ronnie Peterson qui terminera la saison 1977, et bien derrière Patrick de Paillet. Et ouais, Patrick de Paillet termine la saison à la 9e place, comme en 60, une de ses premières années. Ouais. Parce que la Tyrrell 008 bah, était moins présente, hein. La P34. Non, c'est la deuxième année de la P34. Et c'est un problème quand tu fais une. C'est un problème aussi quand tu mets une F1 sur 2 années. Il y a très peu de. Au final, il y a très peu de changements. Alors que bah, les autres écuries, bah, ils potassent leur nouvelle voiture et avec des nouveautés. Forcément, bah, je suis plus derrière. Hein. Ça, La Lotus c'est 60. compliqué, hein. Si aujourd'hui il y avait une écurie qui appliquait ça, ce serait impossible. Elle serait directe à plus de 2 secondes au tour. C'est clair. Bah déjà, on le voit avec Marussia, vu que Marussia, en début de saison, enfin Manor Marussia, a eu l'autorisation d'utiliser on va dire, le châssis de 2014 avec enfin, agrémenté des modifications, on va dire, de 2015. Enfin non, qu'est-ce que je dis? Oui, si c'est ça, il me semble. Et Ouais, c'est ça. avec un moteur surtout de 2014. Et du coup, eh bien, ça a donné qu'au début de saison, Manor Marussia était encore plus à la traîne qu'aujourd'hui. Et voilà, c'est. Et donc c'était déjà le cas aujourd'hui, c'était également le cas à l'époque. Et par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est quand même la Lotus 79 dont je parle avec Peterson et Andretti, qui ont survolé la saison, enfin qui ont, à partir du moment où elle était là, ont survolé la saison 78, mais en 79, elle a été larguée. Pourtant, c'est la même bagnole. Mais ça veut dire qu'en face, il y a eu la Ligier qui s'est. JS11 qui avait fait un truc énorme, t'as Ferrari qui est aussi potassé de son côté, et Lotus, ils ont dû passer à autre chose parce qu'évidemment, à l'époque, il faut savoir que les nouvelles voitures n'arrivaient pas en début de saison, n'arrivaient en cours de saison. D'accord. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, tu pouvais avoir deux. Enfin, tu pouvais débuter la saison avec ton châssis de l'année dernière qui lui-même était déjà arrivé en cours de saison d'avant. Donc parfois certaines se sont débrouillées plus que d'autres hein. Et puis une fois que d'ailleurs comme la Lotus précédente hein, qui se débrouillait plutôt bien mais la précédente Lotus avant la 79 se débrouillait plutôt bien avait des podiums et tout ça que bon Peterson et Andretti c'était quand même du lourd. Mais c'était plus équilibré, hein. Il y avait plus Brabham qui pouvait et Ferrari qui pouvait mêler, mais à partir du moment où la 79 était là, c'est terminé, hein. Ils ont carré la game, comme on dit, hein. Et donc, il marque, donc pour revenir à 77 et la Tyrrell P34, deuxième partie, 20 points hein, seulement et 8e au classement général. Dans le détail, c'est quand même mieux que l'ami Peterson, hein. Peterson, il a scoré que 3 fois. Il a fait juste un podium, alors que De Payet, il a fait trois podiums. Un podium en Afrique du Sud, deux cinquièmes places à Long Beach et en Suède. Et il termine la saison sur deux podiums au Canada et au Japon, au Mont Fuji donc. Et décidément, le Mont Fuji lui réussit bien. Hein. Sur les deux courses, il fait deux podiums. On ne peut pas faire mieux. Et Ouais. donc, bah, mine de rien, quand tu as un pilote aussi renommé que Ron, c'est quand même petit par rapport à De Payet qui en met 20, avec seulement un podium en Belgique pour lui, et puis une cinquième place en. Non, attends, chaque fois que. Attends, j'avais dit cinquième tout à l'heure pour De Payet, non, le 3 points c'est quatrième. Hein, je me réhabitue au Ouais. 9, 9, 6, 4, 3, 2, 1. Ah voilà, ça faisait ça. Je me réhabitue à ça. Non, ouais, non, quatrième, hein. C'est encore mieux, donc, du coup. Où est-ce que j'en étais, machin, voilà. Non, c'est ça. Et donc De Payet, il a fait vraiment, encore une fois, une bonne saison. Voilà, une bonne saison. Mais encore une fois, bon, derrière, devant, il y avait Lauda, il y avait Scheckter. En plus, Scheckter qui part pour Wolff, et Wolff qui fait, il met 55 points, hein. Il fait trois victoires, le gars. Ce qui montre que déjà la Wolf marche très bien. Et puis surtout, Scheckter, ça confirme que ce mec est un grand pilote. Et voilà, et on voit la différence avec un bon pilote comme Patrick de Payet. D'ailleurs, au terme de français, eh bien, il est juste devant Jacques Lafitte. Il est quand même premier français à chaque fois, hein, ceci dit. Oui, c'est vrai. Donc, il a fait vraiment un beau pan de carrière. Et du coup, sa carrière à De Payet continuera jusqu'en quelle année? Jusqu'en 1980. Alors 78, bon, ouais, il fait sa dernière année. Là, je vais être un peu plus court là sur ce cas. Sa dernière année chez Tyrrell, là, je marque 34 points encore. Hein, il fait une belle saison. Avec notamment 78 au Grand Prix de Monaco, une victoire. Première victoire en 1978. Là, À on est revenu à la Monaco. 0-0 à Monaco. Ce qui mettait fin à une. Comment dire Une disette. Une disette, voilà, merci, de 7 ans, puisque le dernier vainqueur, c'était Sever en 71. Dernier vainqueur français, hein, le Grand Prix. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Ah non, non, je suis con. Beltoise en 72. Donc depuis Beltoise, on n'avait pas eu. Donc du coup. En quelle année Beltoise, tu as dit? 72 à 72. Monaco, le fameux Grand Prix de Monaco où il a survolé, même comme l'a dit Jackie X, sur ce jour-là, j'avais de très bonnes références sous la pluie, mais ce jour-là, il a gagné, mais de beaucoup, quoi. Hein. Il a mis 50 secondes à tout le monde, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il avait gagné tellement largement ce jour-là, c'était la course de sa vie. Hein. Ouais, Ben, on j'en avais en parlé, a... Ouais, on en t'en a avais bien parlé. discuté, c'était vraiment son point d'orgue. Hein. Et donc, voilà, dernière chez Tyrrell, c'est quand même 34 points. Il finit cinquième de la saison, enfin cinquième au classement général, devant Laffite, devant Villeneuve, devant Pironi, Jabouille. C'était l'année où il y avait 7 Français en F1. C'était quand même c'était aussi une autre époque. Bon, outre sa victoire, il a quand même fait deux deuxième places en Afrique du Sud et en Autriche. Et un dernier podium, et un autre podium en Argentine. Décidément, l'Argentine, ça lui réussit bien aussi. Hein. Il fait donc troisième. Et donc, voilà, c'est quand même une très belle saison. Et donc, en 1979, c'est le grand changement pour lui, car il est contacté par Guy Ligier pour rejoindre son écurie aux côtés de Jacques Laffite. Car enfin, Ligier a les moyens de mettre un deuxième pilote. Parce que entre 76 et 78, seul Jacques Laffite était pilote Ligier. D'accord. Et donc, Jacques Laffite a quand même remporté le Grand Prix de Suède à Anderstorp en 77, ce qui était tellement une surprise que d'ailleurs l'hymne français n'a pas été joué. C'est tellement tu t'attends pas à ça. Ah oui, bah je suis con, bah Ah bah du coup, oui, c'était oui, voilà. Lafitte, le dernier Voilà, vainqueur. comme oui, voilà, du coup c'est Laffite, voilà. Non mais voilà, c'est bien en plus je fais une connerie, mais par contre je la rattrape derrière. C'est ça qui est bien. Qualité Henkel, j'ai envie de Voilà. dire. Donc voilà, c'était Jacques Laffite qui avait mis fin à la disette française. En plus, première victoire 100% française, hein, c'est ça qui est la classe aussi. Ligier, voilà. Et donc, avec cette JS11, hein, voilà, vous savez pourquoi maintenant JS, eh bien, bah, c'est le Ligier qui a un début de saison tonitruant. Avec Laffite qui gagne les deux premiers Grands Prix, avec Depailly qui fait deuxième lors du second, justement, au Brésil. C'était un début de saison, mais tonitruant de la part de Ligier et compagnie. Voilà, deux victoires. Depailly qui fait un podium au Brésil. Il va finalement remporter le Grand Prix d'Espagne en même année. Et donc, au moment où on pensait que le Grand Prix où allait être l'année de Ligier, quoi, bien malheureusement, il y a le sort qui va arriver pour le coup du sort pour Patrick Depailler, un accident de deltaplane peu avant le Grand Prix de France. Il lui pète la jambe. Et du coup, bah, il est forfait pour le reste de la saison. Et malheureusement, les Ligier derrière ne s'en sont pas vraiment, ils ne s'en sont pas vraiment remis. Ouais, c'est ça, il s'est cassé la jambe. Donc dans ces D'accord. cas-là, c'est le professeur Ducarouge, hein, je crois, il y a un professeur quand même qui a soigné quand même quelques pilotes français comme Jabouille, comme Laffite, comme Depailler et puis aussi Pironi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est. Enfin, du coup, on était encore à l'époque où les pilotes étaient autorisés à faire des activités, on va dire, qui peuvent être susceptibles d'être dangereuses en même temps que leur saison de F1. Voilà, tout à fait. Et donc, bah, malheureusement, ça a signé la fin, entre guillemets, je vais pas dire la fin de Ligier, mais c'est vrai qu'à partir de là, bah, il y a eu comme un plomb qui s'est abattu sur l'écurie Ligier et qui, derrière, malheureusement, était beaucoup moins fiable qu'avant. Et c'est vrai que après, quand tu mets, je crois qu'ils avaient pris Jarier ou Jackie X en 79 pour remplacer. Mais le Jackie X de l'époque, il n'est pas non plus. Voilà, c'est plus le Jackie X du début des années 70 qui non seulement remporté les 24 heures du Mans, mais aussi était à deux doigts de remporter le titre en 70. Ouais. Alors que Depailler, il était vraiment installé, c'était vraiment un pilote mature, bien installé en F1, qui faisait des bons résultats. Ça avait l'air d'être un pilote solide, hein, vu ses résultats des années Ouais. précédentes. Voilà, et donc il marque au final 20 points. Sachant qu'il y a cette règle de seuls les 4 meilleurs résultats comptent pour les 7 premiers Grands Prix Donc, du coup, il a 2 points en moins, son total normal, parce qu'il faut rajouter une cinquième place à Monaco, qui ne comptera plus parce qu'il avait déjà fait ses 4 meilleurs résultats. D'accord. Il avait déjà fait, voilà. Une règle spéciale, comme on en a vu quelques-unes Oui. dans le championnat du monde de F1. Oui. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est censé faire. Je sais pas, je pense que c'est pour faire la part belle à la régularité au final. C'est les meilleurs résultats qui priment. Mais si tu n'as fait que des meilleurs résultats, des fois, du coup, tu as moins de points. Et parfois, bah, tu peux être derrière le pilote alors que tu as mené au point. Et Ce qui est complètement. étrange, ouais. Je Mais suis ce qui est d'accord. étrange, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Et que des pilotes soient champions du monde alors que. Si tu mettais le total sans cette règle, eh ben ils avaient plus de points. Les gens, ils ont fait trop de victoires, donc du coup, il y a une victoire en moins, c'est 9 points. Et si derrière, ben, il a marqué plus de points intermédiaires, le mec derrière, donc du coup, ben, il lui passe devant. De 1 ou 2 points. C'est. Voilà. Ouais, il devait. C'était bizarre, mais il devait l'accepter et faire avec, quoi, et Oui, être bien un. sûr, c'était tout à fait ça. Et donc, ben, malheureusement, fin de. Cet accident de Deltaplane, bah, du coup, elle empêche non seulement de finir l'année, mais aussi de rempiler chez Ligier. Et il devra attendre 1980 pour retrouver un volant pour Alfa Romeo. Et donc, sur 8 courses, ce qui est pas compliqué, c'est pas compliqué, hein. L'Alfa Romeo était tellement dégueulasse à conduire que sur 8 courses, 7 abandons. Et sur l'autre course, qui à la mi, il est pas classé du tout. Et à tel point alors c'est carrément, il accuse 15 tours de retard sur Arnoux. Je rappelle quand même qu'il a fait son premier grand, je rappelle que son premier Grand Prix, hein, à Charade, il finit avec 5 tours de retard, il n'est pas classé. Ouais. Et donc là, qui a la mis en 1980 sur une Alfa Romeo, il finit avec 15 tours de retard. Ça prouve que, bah, on parle de Marussia et de Manor Marussia comme étant l'une des écuries les plus vieux. Enfin, l'écurie est moins performante, hein, je suis gentil, mais Alfa Romeo en 80, voilà. Ouais, mais on oublie assez vite que même dans les années 90, il y avait quand même pas mal de monoplaces à plus d'un tour, voire deux, voire trois tours. Alors que maintenant, on a quand même beaucoup moins ça, même si en début de saison, on a pu revoir un tout petit peu ça. Mais c'était léger, mais avant, c'était largement, largement pire. Et donc, bah, il est en train de des essais. Et donc, voilà, il continue à développer cette voiture, hein, comme elle peut l'être. Et puis, malheureusement, le 1er août 1980, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est comme le 1er août 1959, comme Jean Béra, le même jour, Patrick de Payet, qui donc effectue des essais sur le circuit d'Hockenheim, donc l'ancien tracé avec ses longues lignes droites, hein. Ouais. Malheureusement, il perdra le contrôle de sa voiture et à l'âge de 35 ans, Patrick de Payet nous quitte. Cet accident tragique, donc à l'aube, alors qu'il avait une belle carrière derrière lui. Et là, pour la petite histoire, le 7 août, le Grand Prix d'Allemagne avait lieu sur ce même circuit, et donc Jacques Lafitte l'a remporté. Et pour lui, ça a été l'une des pires victoires de sa carrière parce que il pouvait pas être heureux parce que son ami était mort une semaine avant. Et Oui. sur le podium, il refusera le champagne, en signe de deuil. Et Jacques Lafitte, d'habitude, dit souriant, réputé comme étant un bout en train, eh Ouais. bien, ce jour-là, il n'avait pas du tout envie de rire, il n'avait pas du tout envie de célébrer. Il avait juste envie de se recueillir et penser à son ami. C'est digne. Et c'est dit. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de sa carrière? Eh bien, hormis. Ce championnat du monde de Formule 2 en 74 et champion de France en 71, il a quand même une carrière en F1 qui est relativement, enfin qui est bonne, hein. Franchement, il y a beaucoup de pilotes français, je pense, qui aimeraient avoir une carrière aussi remplie, j'ai envie de dire. Hein. 2 victoires, de nombreux podiums. Au final, attends, la statistique, c'est quoi? C'est au final, il a 95 Grands Prix, c'est pas mal. 2 victoires, une pole position, 4 meilleurs tours en course dans sa carrière, ce qui est toujours une bonne perf, hein, mine de rien. Bah, c'est une belle carrière. Et en plus, il s'est bien battu face à des coéquipiers quand même de renom. Et il a été régulier. C'est un bon pilote. Voilà, c'est un bon pilote. Et donc, voilà, Patrick Depailler, qui en plus était un visage connu de la F1, hein, c'était le genre de gars, voilà, c'était sympa dans les interviews aussi. Et je me souviens que, bah, une fois, il avait fait le Grand Prix de Monaco avec où il parlait pendant enfin, le Grand Prix, les essais, hein, bien sûr, voilà, le tour. Et il parlait en disant qu'il y avait une nouvelle chicane à Sainte-Dévote pour éviter quand même qu'il y ait un peu plus de dégagement, tout ça. Ouais. Et donc, du coup, c'est très bien. Et puis, la Rascasse, c'est aussi qui avait été un peu modifiée. C'était assez marrant. Enfin, voilà, c'était le genre de gars qui, en plus, qui était assez populaire aussi. Parce que, voilà, il était sympa dans les médias. Il était aussi performant en course. Il faisait partie de cette génération du renouveau du sport français, enfin du sport automobile français, donc qui a emboîté le pas de François Sever. Voilà, il y avait Patrick Depailler, il y avait plus tard, et puis après il y avait aussi l'autre génération d'après, celle des Pironi, Tambay, Arnoux, sont arrivés à peu près au même moment, enfin un peu après, et évidemment Alain Prost. Voilà, il faisait partie de ces pilotes rapides. Peut-être pas un grand pilote, parce qu'il lui manquait peut-être quelque chose pour passer devant, mais un pilote solide, qui a su marquer des points, et même a su gagner des courses aussi. Pareil, on ne sera pas à 35 ans. Bon, à l'époque, on pouvait encore piloter à 35 ans, hein, à l'époque. Hein, aujourd'hui, la F1 est de plus en plus jeune et on se demande enfin, quel âge, en gros, y a-t-il une date de péremption pour les pilotes de F1 aujourd'hui. Mais à l'époque, même dans l'histoire de la F1, des pilotes qui ont 40 piges et qui ont gagné les courses et qui ont gagné des titres à 40 ans, on a eu, je pense à Brabham, en 1966, il avait plus de 40 ans. Donc à 35 ans. Il pouvait avoir encore quelques bonnes années, il pouvait encore avoir quelques bonnes années, et puis qui sait, il aurait pu trouver un volant dans d'autres catégories. Parce que là, pour le coup, Patrick Depailler s'est spécialisé à partir du moment où il a fait la F3, il a fait F2, F1, 74, il a fait les deux, et à partir de 75, il était que en F1, contrairement à d'autres pilotes qui étaient aux 24 heures du Mans ou parfois dans des courses, comme on a vu précédemment avec en Can-Am, en NASCAR, même pour Josh Letter, même les courses d'endurance aux États-Unis. Patrick Depailler, lui, il est resté en F1 tout le temps, tout au long de sa carrière, et il n'a pas vraiment eu d'autres courses, il n'a pas vraiment fait d'autres courses hors F1. Et ce qui allait devenir une tendance par la suite, à partir au milieu des années 70 et des années 80, à partir des années 80 surtout. Par exemple, à Alain Prost, par exemple, du moment où il était en F1, il n'a pas fait de course ailleurs, quoi, pas trop, je crois. Après, il faut que je revoie un petit peu sa carrière, j'ai pas sa carrière non plus dans le détail, mais en tête, mais je crois, hein. Et Pironi, c'était pareil, et puis les autres pilotes, c'était même les pilotes de pointe comme Gilles Villeneuve, Alan Jones et compagnie, même Senna, il n'a pas fait de course, à partir du moment où il était en F1, il n'a pas fait d'autres courses ailleurs. Donc ça montre bien que Patrick Depailler, peut-être pas à l'origine de ça, mais il fait partie de ces pilotes qui se sont spécialisés dans un truc, en l'occurrence la F1. Et ils n'ont pas fait d'autres courses ailleurs. Et donc, elle est devenir une tendance par la suite. Oui, c'est très intéressant de voir le début de ce phénomène. Et tu l'as bien fait. Et du coup, ben, merci pour cette chronique, hein, Mister Yo-Yo. C'était fort instructif, fort intéressant. Et ben, c'était surtout, ben, c'est émouvant aussi de rendre Oui. hommage à ces quatre pilotes français dans ce contexte particulier, parce que c'est Oui. encore le décès de Jules Bianchi est encore frais dans nos esprits. Et Patrick de Paillet, c'est le dernier pilote à ce jour, avant Jules bien sûr, à décéder, on va dire, alors qu'il était encore en F1. D'accord. Même si là, c'était aux essais. Et c'est pas en course comme Josh Lesser, c'est pas dans les qualifs comme il s'appelle, comme Soler. Et puis Jean Béra, lui, c'était une course en ouverture du Grand Prix de F1. Donc il était plus totalement F1. Mais alors, voilà, par exemple, j'ai pas parlé de Didier Pironi. Parce que Pironi, certes, il est décédé, mais il est décédé en 87 dans une course de hors-board. Alors certes, c'est la F1 des mers, mais c'est pas la F1. Même s'il était bien parti pour revenir en F1 en 87. Donc, et il n'y a pas d'autres pilotes français. Bon, il y a eu Olivier Panis, il y a eu un gros accident, mais il est pas mort, heureusement, hein, en 97. Donc Jules, c'est le premier pilote français depuis Patrick de Paillet à décéder, malheureusement, suite à un accident en F1. Et évidemment, le premier pilote depuis Ayrton Senna, en règle générale, à décéder suite d'un accident en F1. Et c'est donc voilà, c'était une manière aussi, non seulement de rendre hommage à Jules en le mettant au niveau de ces pilotes-là, qui ont des profils très différents, ont connu des carrières très différentes en F1, on l'a vu, et chacun, on peut trouver Jules dans chacun des précédents, dans certains petits points communs. Dans cet espoir suscité, un peu comme chez Serre qui était lui c'était la lui c'était plutôt pouvait c'était pour le côté sur le tard, donc c'était un autre exemple, mais par exemple De Paillet c'était solide, on peut penser que bah, avec sa Marussia il a été solide, l'ami Jules. Il a fait aussi l'exploit, mais il a été solide. Il a souvent été devant son coéquipier, je crois. C'était à l'époque, en plus, on en avait parlé l'autre fois. Max Chilton. Max Chilton, voilà. Voilà. Ça se tirait la bourre pour être devant. Et je crois qu'il était souvent même devant Max Chilton. Ah oui, Jules. largement. Quatre, Largement même. à 90% des courses, il était devant. Et donc on peut trouver un petit peu, voilà, même de Jules dans ces pilotes-là, par certains côtés, parce qu'ils ont tous cette passion qui auront finalement fait leur vie, et même malheureusement fait leur ont coûté leur vie, mais au moins ils ont pu soit accéder à la F1, avoir une belle carrière, pas susciter la passion, comme ça a été le cas pour les quatre, alors à leur niveau. Et donc, ben, malheureusement, dans cette liste-là, Jules est une étoile qui rejoint les autres. Donc, c'était pour moi, c'était important ce sujet-là. C'était important de rendre hommage non seulement à ces pilotes-là, mais également à Jules par la filiation. On sait que ces pilotes automobiles déjà se respectent énormément entre eux, mais aussi il bah, y a aussi aussi important cette espèce de filiation, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce casque. Et tu l'as fort bien fait, je trouve. J'espère que les auditeurs seront d'accord avec moi, mais je ne m'en fais pas trop. Et c'est vrai quoi, ouais, tu l'as très bien fait. C'était assez opportun de le faire et c'est très bien. Un très bel hommage rendu à ces quatre ou cinq pilotes, j'ai envie de dire même, à ces cinq pilotes français. Et justement, afin de leur rendre hommage. Eh bien, ne cessons pas justement de parler de notre passion, de la F1. Il y aura d'autres, je pense, Rétro F1, Mister Yoyo. T'as déjà, Bien je sais que tu as plein d'idées pour Rétro F1, donc c'est très intéressant. sûr. Donc on Oui. aura l'occasion de parler de plein de pilotes, voire de circuits, voire peut-être des écuries, on verra. Mais ouais, c'est vrai que c'est important Oui. Ah oui, ça, de continuer. c'est ce qu'il y a de bien. Le livre d'or de la F1 regorge de belles anecdotes et de très bons pilotes, même parfois pas forcément connus, mais qui ont su faire leur place à un moment donné. Évidemment, on parlera évidemment des très grands pilotes, on parlera aussi, mais c'est aussi important de parler des pilotes moins importants, mais qui ont su faire une belle carrière, pas forcément en gagnant des courses, mais en étant réguliers, en étant devant leur équipier. Et parfois en faisant des coups. Et c'était le cas, et c'est le cas, ce sera le cas de peut-être d'autres sujets par la suite. Très bien, eh bien on se contactera pour d'autres rétro F1, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Eh bien, c'est un plaisir partagé, en tout cas, Mister Yoyo. Merci encore à toi. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller commenter hein, sur Facebook, Twitter, sur le Twitter de Mister Yoyo, d'ailleurs, qu'on vous a donné en début de podcast, sur le Twitter d'Analyse F1. N'hésitez pas sur la page PodCloud également, sur analysef1.podcloud.fr, où se trouve le podcast. N'hésitez pas aussi à commenter si vous préférez le faire par ce biais. Je les lis tous, hein, tôt ou tard, je les lis tous, et je pense que Mister Yoyo aussi les lira du coup également. Donc votre avis nous intéresse vraiment, donc n'hésitez pas. Et ben, en attendant justement les prochains podcasts et les prochains Rétro F1, je pense que c'est important de le faire tous ensemble. Vivons notre passion, à bientôt. Ah, t'allais le dire en même temps que toi. Ah. Voilà. Vivons notre passion.